suis content d'être dans votre milieu ce soir. Recevez les salutations des frères du Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, et tous ceux qui vous habitent, la France, du Canada, la Belgique, recevez les salutations de tout le monde. Amen. Donc, que Seigneur bénisse. Amen. Nous allons commencer un autre jeûne. Prenez les. Je ne vais pas poser les questions ici, ou bien je lis d'abord les questions qui sont ici, je les réponds et puis je parle du jeûne, c'est ça? Ou bien je commence par le jeûne. Encore pas de questions. Écoutez, tu sais, la table. Attends. Lorsque votre téléphone est ici, vérifiez que votre téléphone est sur mode vol avant de mettre chez vous. À tout moment que le téléphone soit ici, je sors. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Comment? Je recommande encore. Je veux que les téléphones qui sont ici, que ça ne sonne pas. D'accord, frère? Quand vous envoyez vos téléphones, que ça ne sonne pas. Et si vous êtes au milieu de nous, vérifiez que votre téléphone soit fermé. Si vous voyez que vous avez mis votre téléphone sur alarme, parce que c'est vraiment vous retenez, que c'est sur alarme, ça sonne. Enlevez tout simplement la batterie, que ça ne sonne pas. D'accord? Donc, tu venez, vous dites, je prends pas les questions d'abord. On parle de quoi, frère? Je ne peux pas tenir en fait. Donc nous allons jeûner du 17 mars au 10 avril. Le 10 avril, c'est la Sainte Fête. Donc le 10 avril, au soir la Sainte Fête, nous allons célébrer la Pâque de notre Seigneur. D'accord? Donc le 17 au 10 avril, nous donner les différentes articulations du jeûne. Je vous ai prêt, je vous donne. Écoutez très attentivement. Numéro 1. Je parle de l'orientation du jeûne avant d'entrer dans l'observation. Nous allons dans le jeûne, demandons au Seigneur de sonder votre cœur si c'est toutes les choses qui ne vous glorifient pas, qui vous les révèlent. Ne soyez pas ici, soyez durant ces moments. Prenez ce moment que ce soit pour le jeûne pour moi. D'accord. 6h18h comme d'habitude. Passez du temps à genoux dans la prière, dans la lecture, comme je vous donnais le livre là. Lisez particulièrement le livre de Jérémie et de 1 Corinthiens. Donc, que le Seigneur sonde vos cœurs, afin que si je trouve quelque chose qui ne vous fait pas, en fait, quelque chose de faux, quelque chose de contraire à la parole. Si vous les montre, confessez. Si vous montrez quelque chose qui se trouve pour vous en séparer, séparez-vous-en. Sinon, quand je ne la passe, vous en dites ce mot. Je veux suivre, frère. Amen. vous avez noté le premier point, je vous oublie. Deuxième point. Et vous avez noté le premier point, frère. Vous avez noté le premier point, frère. Répétez-moi le premier point. Que le Seigneur soit dans nos cœurs, afin que s'il trouve des choses qui ne nous glorifient pas, que nous en aimons. Je commence encore. Quand on dit des choses qui ne nous glorifient pas, non, quelque chose de faux. Il n'est pas de penser ce qui est contraire à sa parole, à sa volonté. Écoutez cela attentivement. Il dit ce que j'ai averti. Si Dieu vous révèle, vous refusez de confesser, de confesser, ou bien de vous en séparer, de vous en séparer, ça va vous en décider tout ce long. Ça va vous en décider. C'est-à-dire que, parce qu'on va parler de ça comme péché, vous ne comprendrez pas que c'est le péché. Vous avez dit tout à l'heure, là, dans ce cantique-là, que le plaisir du Seigneur aussi ne vous attire plus, n'est-ce pas? Mm-hmm. J'ai tellement été aisé. Ok. Deuxième point. Vous y êtes. Deuxième point. Que Dieu vous sépare de toute compagnie, toute relation. Il vient vous distraire. Et t'empêcher de marcher comme il veut. Souvenez-vous, les livres sont les livres de Jérémie, les 1 Corinthiens, tout simplement. Que Dieu vraiment vous bénisse durant ce moment-là. Vous avez fait, frère. Troisième lieu maintenant. Troisième lieu. En troisième point. Vous placez maintenant les sujets de prière qui vous tient à cœur. Les sujets de prière qui vous tient à cœur. Vous êtes la douceur. Vous y êtes, frère. Amen. Ok. Cet sujet de prière, c'est quelque chose qui vous est personnel, d'accord? Qui vous tient à cœur. Quand vous le faites, écrivez-le et observez Dieu agir. C'est terrible, c'est spectaculaire ce qu'il en a fait. Dans les 17 ou 10 ans, 10 après. D'accord, mes frères et frères. Amen. Je commence encore. Faites. Dire attention que vous ne soyez pas distrait durant ce moment. Donc, réduisez vos distractions au maximum, particulièrement le téléphone. Laissez-vous de moment travailler dans le silence avec le Seigneur. Jérémie et 1 Corinthiens. C'est la quatrième fois que j'en parle maintenant. Je crois qu'au fur et à mesure, s'il y a des choses qu'il nous dit encore, il vient de vous dire à propos. Mais restez dans le cœur. Je crois que j'ai des questions ici, ou bien sinon, il y en a encore. Je crois que cette question, nous avons déjà répondu dans Matthieu chapitre 12, verset 30 à 33. C'est quoi faire un souffle au Saint-Esprit? Devant cette personne, si. Je crois que dans Matthieu chapitre 12, verset 30 à 32, nous avons déjà fait le cas ici. Blasphème du Saint-Esprit, c'est quoi faire insulte au Saint-Esprit? Bon, la personne qui fait insulte au Saint-Esprit, quoi que c'est sa version qui parle de faire insulte au Saint-Esprit. Le mot c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et là, nous avons tout fait ce cas-là ici. Demandez l'enseignement, la personne qui pose cette question-ci, demandez l'enseignement, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Bon, mais voici une question qui est amusante, c'est sinon amusant. S'il te plaît, frère, quand quelqu'un ferme les yeux, son esprit retourne chez le Créateur. Et son homme reste combien de temps là, à côté de son corps, il est, avant d'aller là où elle doit aller, comme tu avais vu l'âme de ta table. Bon, maintenant, je vais raconter l'histoire de ma tante, j'ai vu son corps couché là. D'accord. Mais lorsqu'elle est morte, on n'a pas détermi son corps là. Vous voyez, vous remarquez l'histoire. Lorsqu'on est mort, on n'a pas détermi son corps. Lorsqu'on est mort, son corps était quelque part, puis on a mis là-bas en pouce. Et c'est là que je me tenais là-bas, j'ai vu subitement. Dieu a ouvert mes yeux à ce moment-là, j'ai vu. Pourtant, quand il y avait deuil, quand il y avait tout, je n'ai pas vu, pas vrai. Mais Dieu a voulu que je voie ça, c'est ça là. Maintenant, combien de temps, si, quand il était à l'hôpital, quand il était à la mort, il a dit son corps, je n'en sais rien. Et même s'il y avait le temps, c'est pour le temps de faire tout le même chose pour tout le monde. D'accord. Il y a des gens qui meurent, par exemple, qui sont couchés, mais ils ne sont pas morts. C'est là que vous les enterrez, que vous venez vous tuer. Il y a des gens, par exemple, dont, vous savez, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le con, ou bien le formula, c'est la même chose dans notre religion. Il suffit, c'est le déplacement du rythme et du battement cardiaque, tout simplement. En résumé, c'est à cela que ça consiste. Je vais essayer de parler par rapport à cette réponse ici. Vous avez été couché, ça ne se passe pas, ce n'est pas nécessairement que la personne est morte. Quand il avait été mort, il a fait 4 jours, il était où? On ne dit pas, n'est-ce pas? Alors, lorsque quelqu'un est couché par suite de ces histoires de con ou de formula, c'est le déplacement de son rythme cardiaque seulement. On peut déplacer dans ses orteils. C'est-à-dire qu'on enlève son cœur. Je ne préfère pas dire que son cœur, dit son rythme cardiaque. Vous savez, pour que vous diagnostiquez que vous êtes cliniquement mort, ils ont les appareils. Ils ont un oscillocope là qui montre les temps, vous montre le rythme cardiaque. Quand ça baisse, à un certain taux, et puis ça, c'est linéaire. Ça fait un son. On essaie, on fait le massage cardiaque, ça ne donne pas. On fait le bouche à bouche pour te donner l'oxygène, ça ne donne pas. On met l'oxygène, ça ne donne pas pour réanimer. Donc l'oxygène entre pour le cycle continue. Ça ne donne pas. On t'envoie 150. Vous savez, c'est les réchauffements dans le masque cardiaque. On charge 3, 4 fois. Le courant qui t'efface peut aussi détruire ton neurone. Ça fait 2, 3, ou bien le nombre de fois convenu. Si ton cœur ne réanime pas, on dépose le cardiaque, on enlève les choses qu'on met sur le cœur des gens pour tester à l'oreille pour sur le bâtiment. C'est pour cela que tout appareil qui est conçu par l'homme peut être trompé par les démons. Vous connaissez le principe des virus et des antivirus, non? Donc en réalité, le virus, l'antivirus, c'est le virus. L'antivirus, comme vous voyez dans l'ordinateur, l'antivirus, c'est aussi le virus. C'est pour cela qu'un antivirus peut être détecté comme virus par l'autre, l'antivirus. Au mieux, on retire le poison, le venin du serpent pour faire l'anti-venin. Donc, en réalité, l'anti-venin qu'on vous injecte, c'est le venin du serpent. Je crois que le pouvoir t'en est bien placé pour nous expliquer cela. Le but, c'est quoi? C'est d'injecter la substance dans ton corps pour que tes anticorps prennent ces choses et connaissent bien comment la performer les anticorps complètement. C'est-à-dire que si le serpent ne mange pas, elle le reconnaît. Vous voyez? Donc, en réalité, on prend juste le rythme cardiaque. C'est pour dire quoi? Quand on fabrique la machine, la technologie, ceux qui ont mis la technologie là, vous savez, c'est cette technologie là. Ils connaissent l'antidote de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de baisser le rythme cardiaque en dessous des fréquences de cette machine-là. Puisque le docteur, lui, c'est dans la machine, il fait « et la personne est morte. Il dit de baisser le rythme cardiaque, c'est pour que ça fasse au niveau des « pi », mais la personne n'est pas morte. Mais le rythme cardiaque dit que c'est mort, mais c'est là. C'est là qu'il faut toujours des cérémonies pour venir respirer la personne. Donc, ne fais pas entrer là dedans, c'est la sorcellerie. Donc, bonsoir. Bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Amen. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, on voit. J'aimerais savoir de quoi la différence entre la justesse et la justice. Je vous pose une question ici. Vous ne pouvez pas me poser plus une question. Posez-moi une question. Oui, hein? Moi, Connaître quelque chose, le fait que les gens ne connaissent pas, le fait qu'ils se moquent déjà de le fait qu'ils ne connaissent pas, un peu comme savez, quand les enfants vont à l'école, si disent, on leur dit t'es à ça, t'es à ça, t'as à ça, tu essaies de dire t'as tout, ils se moquent de toi, ils tapent les pieds comme ça là. Ils croient qu'ils ont trop fréquenté, pas vrai, mais ça c'est pour les enfants. Si tu connais quelque chose, concernant particulièrement la parole, et tu veux te moquer des autres parce qu'ils ne connaissent pas, souvenez-vous que tout ce que vous obtenez du Seigneur, c'est par grâce. Vous ne faites rien pour mériter cela. Rien pour mériter cela. Et en fait, lorsque c'est, se donne quelque chose par grâce, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour l'édification des autres. Un peu comme il dit chaque fois que le robinet, lui, il ne boit pas l'eau. Le robinet est là pour distiller l'eau aux autres. Vous avez vu quelqu'un un jour venir qui s'est félicité le robinet. Bon. Alors, lorsqu'on a la connaissance, ça peut nous enfler. Et l'apôtre Paul a bien signifié cela dans le. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, je crois que tu vois que j'ai mis déjà dans deux côtés. Ce n'est traité de l'autre cas que tu m'as dit, ce qui implique cela. Alors, dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 12, il a dit que, et à cause de cette excellente révélation qui lui a été donnée, pour qu'il ne s'enfle pas, il a été mis une chape dans la chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Vous voyez la différence, n'est-ce pas, frère? Des questions? Quand est-il des personnes qui étaient sur le lit d'hôpital et qui, suite à une intervention médicale, perdent de conscience ou, on va dire, sont perdus de conscience et qui, dans la même perte de conscience, de l'autre côté, ils rencontrent des êtres, qui les demandent de revenir. Comment expliquer ce phénomène? On appelle ça de quoi? De NDT ou quoi? L'expérience NDT ou quoi que ce soit. On dit que physiquement ils ne sont pas morts, et on peut les déclarer morts, mais beaucoup racontent qu'ils ont une grande lumière. Et les mecs disent que ce n'est pas le moment de rentrer sur la terre. Ils disent qu'ils ont reçu de l'air, une visite de l'autre côté. Vraiment, de la capacité de faire votre appel. Et remarquez bien que la vie est une personne qui est appelée. Mais là, il faut dire quelque chose. Je ne vais pas dire que c'est là. Bien ça. Quelle est la situation? Non. Je ne vais pas dire que c'est là. Hein? Je n'ai pas posé une question. Il y a combien de ciel, toi? C'est pas toi. Montre-nous dans la Bible, comme il y a des trucs. Comment c'est pas encore la Bible? C'est la Bible, il dit quelque chose, il dit que j'ai dit, il n'était pas sur la il faut pas se poser. On a dit qu'il y a quand on lui parle, on va parler la Bible. Non, il demande parce qu'il dit tout ce qu'il montre-moi la mort, comme quelqu'un qui a cette cieux-là, montre-nous, déjà casse, il y a encore pas que c'est un cinquième. Je n'ai pas compris ça, mais il disait que, on a quand même dit que Dieu crée un esprit. Il est là, il existait. Parce que, étant donné que le chiffre, Dieu s'est toujours entré à cette question de santé. Donc, il y a peut-être des questions. Non, mais c'est que, pour le premier, il y a la tête aussi. Sous la bouche, sur quelle base on dit qu'il y a sept cieux? Il est 6h30. Là, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas. Parce que s'il est au ciel, il est sur terre. Il est sur la terre, il est maintenant, on ne peut pas dire que c'est ici. Comment tu dis, on compte à son terre. Quand j'aime terre. Oui, parce que c'est le courant qui vient d'être. Donc, je crois que. Alors, mes amis, je les connais tous. Vous savez, je lui propose la question, vous savez. Et nous devons Dieu et amour. Oui. Je lui dis qu'il y a une vie par laquelle on ne peut pas l'enfer. Je ne veux pas si vous êtes moi et moi, on a fait. Je veux savoir ce que c'est pas l'enfer. Bon, l'enfer est le deuxième monde. J'aimerais un peu. Ok, c'est bon. Parce que vous avez remarqué que la dernière fois, quand nous voyons sur quel est ton fruit, il a posé deux questions et il revenait à une seule question. Est-ce que la première fois, l'autre question, c'était avec la deuxième fois, c'est est-ce que pour le moment, l'enfer est ouvert? C'est la question de la question. Donc, et là, il dit, les deux jours à court, ils enterrent effectivement, comme il a dit, c'est une idée. Et je crois que c'est un petit rationnel là. C'est-à-dire que, il dit qu'il n'y a pas d'enfer. Et par conséquent, Dieu n'a pas dit ça, dans les écrits là, Dieu n'avait pas ça dans sa pensée. En disant que les gens ne veulent pas brûler, comme ils brûlent en faveur à la parole de l'hymne, à la parole de Josaphat. Donc, je suis aussi lui, c'est pas monté dans l'enfer, quoi, dans la pensée. Dans Jérémie aussi, voilà le seul verset biblique de soutien. D'accord. Mais dans le même temps que pour nous pouvoir être là, nous prenons les enfers et puis on avance. Ce soit d'accord. La dernière fois, nous avons vu que la mort était un esprit. La mort apparaît sur un type de personnes, telle personne, les autres personnes, et le celui des morts. Puisque nous avons vu dans le chapitre 21, le verset 11 de Chinois, que lorsque le jugement a eu lieu, ce dont, j'espère qu'il y a beaucoup de vous qui êtes ici, vous avez été là la semaine dernière, et ce qui avait été au deuil. Bon, c'était par rapport à cette question-là. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11. En commençant à 10 jusqu'au verset 15, nous avons vu que lorsque celui qui était assis sur le trône, le ciel était en feu devant de lui, il ne pouvait trouver de place pour eux. Et puis là maintenant, les morts sont apparus devant de lui pour être jugés. Ils ont dit des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de Dieu. Et les morts furent jugés après leur œuvre qui était écrite dans ce livre-là. Ils ont dit quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang ardent du feu. Dans l'air de cette expression, l'état Adam, et là nous convenons que c'est au jugement dernier là-bas, c'est le jugement. Parce que lorsque ça finit là au verset 15, le chapitre 21 commence, et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre qui descendait auprès de Jésus. Pas frère, selon ce qui est dans le livre des deux Pierre, au chapitre 3, l'apôtre Pierre nous dit, nous attendons selon sa promesse. Il cite là, Esaïe 65 et 66. Selon sa promesse, quand il est l'apôtre Pierre dit, nous attendons selon sa promesse. Des nouvelles cieux et une nouvelle terre où la justice habille. Au temps islamique, on a prophétisé sur la vie, il créera une chose nouvelle. Il y aura comme les nouvelles cieux et les nouvelles terres qu'il va créer, n'est-ce pas? La première pièce avec cette promesse-là est réelle. Alors, je sens dit que nous parlons là des jugements de l'Élan, au cours du 20. Parce que nous voyons verset 10 que Satan a été jeté dans ce feu-là. Maintenant, on va regarder avec les incongruences, je vous le dis tout à l'heure. Alors, l'étang du feu, c'est le lieu où, après le jugement dernier, les gens seront jetés. Nous sommes d'accord? Parce qu'au verset 10, le chapitre 20 de l'Apocalypse, on dit le diable, après avoir été relâché, va aller dans son armée pour aller jeter Gog et Magog, pour lutter contre les saints. La Bible déclare donc qu'il sera jeté dans l'étang où il y a le faux prophète et la bête. Donc la bête et le faux prophète. Et que déjà jeté là-dedans avant que Satan ne vienne pas la suite. N'est-ce pas, frère? Il dit ça, c'est la gêne. C'est la destination finale de tout ce qu'il y a comme mal qui est jamais existé depuis que les cieux et la terre et tout l'univers a été créé. C'est là où ça va finir. C'est pas ça, frère? Amen. Ok. Ça, c'est la gêne. Mais maintenant, il y a un mot dans la Bible traduit par séjour des morts. Séjour des morts dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. D'autres appellent cela Hades dans l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, parce que c'est le grec qu'on écrit. Là-bas, c'est le Sheol dans le grec. C'est le Sheol et le Hades. Nous allons voir le séjour des morts dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est écrit en majorité en grec. ça vient du mot shekel, d'accord? Amen. Non, du mot hades. Et là, maintenant, et de l'autre côté, en Ancien Testament, vous allez trouver c'est juste des mots. Comme vous voyez en français, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est juste des mots. Ce n'est pas les mêmes mots qui sont écrits parce que l'Ancien et le Nouveau Testament sont pas écrits dans les mêmes mots. Donc, ce qu'on écrit dans le Nouveau Testament, comme on voit, le Nouveau Testament. D'accord? Vous voyez, c'est juste des mots. Vous allez dans le Testament, vous voyez, c'est juste des mots. Le bref, c'est Hadès, là-bas, c'est Sheol. D'accord? Mm-hmm. Maintenant, ouvrons l'hébreu, je ne sais pas. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Écoutez vos ouvert, vous dans le verset. Vous allez en fait, écoutez très attentivement, mes chers amis, vous êtes en plein sous son onction. Amen. Voilà, mes amis, c'est déjà mes plus j'ai dit. Vous souvenez la dernière fois, la dernière séance ici, lorsque vous avez la première partie de l'enseignement sur ton fruit, je crois que c'est ce qu'on a fait. J'ai parlé de prier pour les premiers ministres du Cameroun. C'est ça? Puis j'ai dit qu'il y a plusieurs célébrations, ça c'est les célébrations au Cameroun. C'est les célébrations des deuils. Donc vous savez, vous tournez tout autour des deuils, même les départs, les questions tout autour. C'est les deuils préparés pour tout simplement. Donc les deuils, ce n'est que les nouvelles des deuils. Vous voyez, parce qu'on est des choses, mais pas des choses. Mais quand les gens de la Bible disent que nous souhaiterons quitter pour aller auprès du Seigneur, vous dites que vous voulez rester sur la terre. Et vous luttez contre les plaisirs du monde. Vous dites, Seigneur, enlève-moi les têtes. Parce que le seul lieu de repos, c'est que Dieu croit qu'il est là. Là, il n'y a plus de plaisirs du monde. Pas vrai, frère? Tu es content de passer auprès du Seigneur. Amen. Faites attention là, être sur vous. Amen. C'est pas quelque chose que vous voulez, c'est juste les tours, parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de faire. C'est un nettoyage qui est en train d'être fait. Pourquoi on a un passé, mais on va voir cette gloire-là. Le chapitre 15 des Hébreux, des Proverbes. Merci. Donc, notez, je vous comprends. Notez Hébreux, on va y aller après cela. Notez Hébreux, donc. Notez Hébreux au chapitre 15. Donc, on va y aller. Donc, pour le chapitre 15, je vous le verset 24, mon cher frère. Le 24, chapitre 15. Pour le sage, oui, le sentier de la vie mène en haut, oui, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Ah, oui. Donc, ici, on veut nous indiquer clairement les deux destinations, géographiquement parlant, les deux départs sur la terre. Donc, nous sommes sur la terre qui est le carrefour de la séparation de la chair avec le domaine spirituel. Lorsqu'on quitte la terre qui est le lieu de séparation, le carrefour entre le monde visible et invisible, la transition pour aller dans ce qu'on appelle l'au-delà. Parce qu'on dit l'au-delà, il y a l'au-delà de Dieu et l'au-delà de son ennemi. Il dit donc que pour le juste, le sentier de la vie se dirige par où? En haut. Donc, la destination finale de celui qui est sage, de celui qui est juste, la destination finale, c'est en haut, dans la vie. Et pour détourner des pièges des autres là. C'est-à-dire que si tu n'es pas sage, tu es insensé, par contre, tu es injuste, et méchant et tous les autres attributs. Alors, ta destination finale, c'est où? En bas. Et il dit clairement que le séjour des morts est en bas. Maintenant, il y a un problème. Le vrai problème, c'est que une des seules fois que vous avez posé la question, vous avez dit, parlant de répondre à une instance, vous vous souvenez de ces jours-là. Si vous êtes arrivé, vous êtes arrivé à la bonne conclusion, vous allez remarquer tout simplement que les écrivains de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne leur avait pas révélé clairement les destinations des gens. Ils avaient des briques de révélation. Mais maintenant, en lisant le Nouveau Testament, c'est mis en lumière totalement. Puisque nous voyons comment le trône va s'arrêter, comment il va s'asseoir sur son trône, il va juger les gens, comment les gens vont apparaître, où les gens vont partir, et pourquoi les gens vont partir, c'est pas vrai? Vous prenez la note, ça va déposer côté, vous les avez en tête, vous allez toujours avoir toujours les suggestions. Vous mettez les passages comme le livre d'Isaïe, si vous lisez votre livre d'Isaïe, chapitre 26, vous allez voir, il va dire que c'est toi. Mais il faut que l'esprit du prophète soit au moins suivant, tu comprends au moins ceci, ce qui va être pour ça que tu es en prophétie. Il n'y a que dans le livre de Daniel, au chapitre 12, les trois premiers versets sont mentionnés clairement. On dit, toi, Daniel, tu vas aller à la fin, à ta fin. Tu te réveilleras à la fin pour ton héritage. Donc, il dit clairement, là-bas, l'ange lui dit clairement que, parce que Daniel, lui a dit qu'il ne comprenait pas, il dit que, en ce temps, pour les causes de la fin, Michael, le chef de ton frère, va se lever pour Il dit, ceux qui auront inscrit, qui étaient inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Vous voyez, n'est-ce pas? Et toi, là, tu es en train d'aller à ta fin. On lui dit, on ne sait pas qu'un décès d'enfant de Dieu, oui, il y a eu 15 ans. On lui dit, tu es en train d'aller à ta fin. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais si y a un bandeau, il dit que demain, tu vas mourir. Ah, je m'appelle, mais je ne veux pas encore entrer dedans. Non, mais c'est qui m'a conduit ça? J'ai mon travail là-bas, après pour mon petit-enfant qui est tout seul, c'est que mon enfant n'est pas encore grand. Pensez que les autres enfants qui sont dans le moment est moquant à l'hôpital là, ils ont grandi à découvert et autres, parce qu'ils n'ont pas le sujet. Alors ce qu'il dit, c'est que pour venir lui découvrir, vous lisez les anciens églises, vous voyez que c'est seulement dans le livre d'Isaïe et dans le livre des Daniel qui sont les plus, et jusque-là, c'est pas clair. Parce que bien, il dit que, c'est pour ça que si j'avais bien dit cette année, il dit qu'à la fin, il y aura les jugements et les gens vont se réveiller dans la poussière. Les gens vont se réveiller comme ça, parce que c'est bien possible. C'est à lui ce qu'on a dit. Vous voyez, maintenant le Nouveau Testament, nous dit ici. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Et chaque fois qu'il va employer le mot mystère, parce que c'était enveloppé. Donc, mais David dit clair. Il s'est mis en lumière maintenant, et révélé aux apôtres. Vous suivez ça, frère? Donc, les apôtres ont mis dans la lumière le plan parfait que le Père, le Créateur, a mis dans la dispensation. C'est pour ça que les apôtres, les fois, les prophètes, en temps de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'Esprit de Christ qui était sur eux, ils voulaient sonder toutes ces choses. C'est quoi les questions? C'est pour ça que Salomon m'a proposé de poser des questions. Pour dire que ça regardait un peu, vous lisez Ecclésias. Vous lisez Ecclésias. Vous allez avoir une conclusion comme si il m'a dit, et même un lion vivant, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Hein, vraiment, c'est vraiment bref. Hein? Il dit que ce soit riche ou soit pauvre, il y a la même condition. Vous voyez? Car tous les de la même façon. On se trouve de la même façon. Mais à la fin, vous remarquez que à la fin de son livre, la Bible des révélations lui est donnée. La Bible. La Bible des révélations lui est donnée. Il dit de un éternel, car Dieu emmena toute œuvre en Dieu, soit ce qui est notre, ce qui est. Il a une brève révélation de nous disons plus clairement. Donc tout ce qu'il a dit là, il s'embrouillait seulement vers sa lettre. Vous suivez, frère? Donc ici, la Bible nous dit que le séjour des morts se trouve en bas. Donc, Job, donc, comme les. Tu vois, je ne vais pas plus parler de Job, les gens, l'un des arguments, ils disent, si le séjour des morts était un endroit qui brûlait, Job ne pouvait pas souhaiter y aller. N'est-ce pas, mon cher? C'est ce qui est écrit dans ce qu'en fait réellement la Bible. C'est aussi ce que vous avez dit. Alors, si le séjour des morts, le Sheol était un endroit où il y a où ça brûle, où ça tourmente, c'est que le Job ne souhaitait pas y aller. Il y a des gens qui savent que c'est la destination de tous les vivants. N'est-ce pas? Nous avons vu ici depuis le jour où nous avons parlé des mondes, nous avons vu que non seulement ils partaient dans le Sheol, mais ils étaient d'abord réunis à leur père. Ça, ça n'est pas manqué. Ce que vous dites, ils ont réuni à leur père. On dit que l'une partie du corps qui doit aller quelque part. Et pour soutenir les doctrines, il faut d'abord que la notion de âme-corps et âme-esprit soit développée par eux. Donc c'est tout naturel qu'il ne faut pas croire en enfer, parce qu'il faut qu'il y ait un être qui va en enfer. Il en tient à la parole du Seigneur, tu es poussière, tu retournerais à la poussière. Dans ce cas, tu es dit, tu es poussière. Parce que Dieu a fait l'homme à son image, on dit que c'est non sa ressemblance. Beaucoup d'enfants ne se trompent pas. On dit à son image et à sa ressemblance. L'image est différente, ressemblance est encore différente. Vous voyez, donc Dieu est poussière. Dieu est poussière, frère. Non, donc on dit que ça, c'est la carcasse. Comme exactement comme Christ est la poussière là. Non. Tu m'as formé un corps. Vous allez me souvenir. Je vous sais quoi, frère. Vous allez vous lever à l'heure. Lorsqu'il dit dans les Hébreux, chapitre 10, que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je veux maintenant que vous me regardez bien en face. Après la création, peut-il avoir création? Non. Je veux que vous répondez clair. N'étendez pas. Après la création, peut-il avoir création? Non. Quand est-ce que le corps du Seigneur a été formé, a été créé? Avant la création. Donc il a formé. Combien a-t-il fait entre dans Marie? Rien n'est impossible. Ça c'est clair. Donc même tout, même la réalisation que je vois la réalisation, ça serait impossible à dire. Cachez-vous sur lui comme ça. Ça c'est clair. Ce que la Bible dit. Il dit comment? Il a fait pour entrer là-dedans. Vous avez vu que le corps là était avant la fondation du monde. Parce que lorsqu'il a fait ses œuvres, il a achevé ses œuvres au septième jour et il s'est reposé. Donc tout ce qu'il y a, Dieu a déjà. Il a fait, il a créé le corps. Parce qu'il dit, il a dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni le corps, mais tu m'as Hébreux chapitre 26, on va lire quelque chose. Je vais encore le prendre, je vais encore l'avoir. Parce qu'il n'a pas encore fini sa question. Souvenez-vous, le moment de départ, c'est beaucoup. Et là, beaucoup de cérémonies sont au Cameroun. Et je voudrais parler des militaires, des hommes, là. Ils ont retourné. Mais là, Lorsqu'on dit qui parle à la jeunesse, l'un de vous voit votre attention, vous vous posez la question la dernière fois, avez-vous déjà vu l'expression les séjours des morts? Vous avez cela? Vous avez vu l'expression les sépulcres? Oui. Les sépulcres, vous pouvez voir chaque fille dans un seul métier. Il y en a plusieurs, papa. Même dans votre maison, vous êtes sur le village, même environ, on voit comment, vous avez pris les sépulcres dans votre cour. Ça, c'est les sépulcres. Mais quand vous avez 800 milliards de sépulcres sur la terre, il n'y a qu'un seul séjour des morts. Alors maintenant, dans ce livre, après, je vais te valider, c'est écrit que la mort est le séjour des morts qui est jeté dans le temps Adam de Dieu. C'est pas la partie de l'air, séjour des morts. Maintenant, ici, dans le Proverbe, je vais te dire le 15, verset 24, il dit, le chef, pour le sage, le chemin de la vie mène en haut. C'est en haut et puis pour détourner de lui. Et le chemin de cette chose-là, il mène où? En bas, le séjour des morts, pas l'air, séjour des morts. D'accord. Vous voyez que le séjour des morts, donc en clair, est différent du sépulcre. Là, on met le ciment, d'autres on met les fleurs, d'autres on met encore en vie, on ne le voit pas. Nous on tente, on ne tente pas. Mais on brûle en Inde, comme on brûle dans les eaux et on verse la cendre. Tu mens. Tu vas quand même au séjour des morts. Tu vas y aller. Vous comprenez? Comme dans le mandat. C'est livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 5 et 6. Le verset 6 est intéressant. Il dit que, et il dit encore, et lorsqu'il introduit des nouveaux. Lorsqu'on dit en français qu'il est des nouveaux venus, on dit quoi, frère? C'est le nouveau, c'est quoi ce soir? Et lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde, il est des nouveaux, alors frère, comment? Il dit, que tous les anges de Dieu adorent. L'on dit le premier-né. La question là, c'est pas. Quand est-ce que le premier-né a-t-il été introduit dans le monde, frère? Oui. Vraiment. Je pense que on parle de Melchizedek. Oui. Quand on parle de Melchizedek, oui. Melchizedek a mis une généalogie. C'est une créativité. Je commence d'abord. On dit que lorsqu'il est introduit, le premier né dans le monde. Quand il a introduit ça, il a toujours été là. Quand on l'a introduit, il y a un moment. Le séjour des morts et la jeunesse sont deux choses différentes parce qu'on voit effectivement dans Apocalypse 20 qu'à un jugement dernier, la mort est jetée là-dedans. Le séjour des morts est différent de la mort. Le séjour, comme on dit le séjour, c'est là où les morts vont séjourner, donc là où ils vont rester en attente. Et là, maintenant, on pose encore le problème par rapport à la tridimensionnalité de l'être humain vis-à-vis des morts. Donc, l'être humain est Jéhovah. Parce que si le séjour des morts, c'est le séjour où les gens vont y demeurer, la question doit être posée directement. Pourquoi donc on dit que ça va les juifs doivent aller en haut aussi des données du chemin qui met en bas, alors que tout le monde sur la terre doit aller dans le même lieu par là. C'est-à-dire coucher au centre d'inertie, n'est-ce pas? L'inertie d'inertie comme ça. Alors, c'est parce que c'est nous qui disent que l'homme c'est l'âme. Vous suivez, n'est-ce pas? L'homme c'est l'âme. Et donc c'est juste des mots dans la Bible, c'est ce qu'on a, vous avez traduit dans votre livre. Quand on dit que tu vas aller en enfer, c'est ça que vous dites, c'est juste des mots. Parce que la Géhenne n'est pas l'enfer. La Géhenne, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas ce qu'on appelle par enfer. C'est ce qu'on appelle ce jour de mort qui appelle enfer. Mais si vous voulez, donc vous êtes sur l'enfer alliance, vous dites à quelqu'un que tu vas mourir dans l'enfer, il dit normalement c'est notre lieu, parce que c'est la mort, vous allez passer dans l'enfer, ça ne fait pas. C'est la Géhenne. J'ai dit notre Seigneur, à ce moment-là, nous avons eu la dernière fois. Dans le chapitre 10, verset 8, il ne craignait pas ce qui veut sur le corps, qui veut rien faire en âme. Craignez plutôt celui qui peut, quoi. Fait périr et le corps et l'âme dans la Géhenne. C'est là qu'il a dit, il a dit Géhenne, pas qu'il n'a pas dit Géhenne, non. Géhenne, c'est là, le lieu de destruction. C'est là-bas. Vous avez suivi le corps. Dans le monde, dans votre quantité, une version de Dieu qui se traduit par enfer. Là, si vous prenez une version de Dieu qui se traduit par enfer, vous remarquez dans votre version, vous allez voir que c'est le mot qu'on a traduit par ce jour des morts. Pas Géhenne. Si tu as dit Géhenne par enfer, ça n'a pas de sens, parce que l'enfer, c'est là du cul. Complètement. Donc, c'est pas de dire que tu vas brûler en enfer éternellement. En fait, tu as tort. C'est pas possible. L'enfer sera vécu dans la Géhenne. Pas tout, monsieur. L'enfer sera détruit dans la Géhenne. Maintenant, il y a une autre incongruence avec les témoins de Jéhovah. C'est ceci. la vérité leur est présentée dans la Bible. Qu'en réalité, ils ont peur d'affronter cette vérité-là. Mais la vérité, on ne peut pas faire quoi que ce soit contre la vérité. La vérité, c'est clair qu'il y aura un jugement. Après le jugement, tu sais, pour la question des gens qui vont ouvrir un jour, Dieu va les buter et les demander. Comment il va les buter? Mais là, il ne veut plus avancer. Il ne veut plus avancer parce qu'en réalité, depuis les morts, comment il va les buter? C'est pas le feu. Parce qu'il dit que le feu est un symbole de jugement. Maintenant, si c'est un symbole de jugement, quand on dit feu, oui, ça parle à la description. Mais le mot, c'est qu'il y a un feu réel. Vous suivez? Satan est un imaginaire. Non. Satan est un réel. Oui. Maintenant, Apocalypse chapitre 20, verset 19 dit, et le diable qui séduisait toute la terre fut jeté où? Donc, on dit que le feu, la doit être réel. Satan est réel. On ne brûle pas quelque chose de réel dans un imaginaire. Non. On a suivi le réel avec une chose réelle. Par exemple, il se touche comme ça parce que tu es réel. D'accord, on voit toucher quelque chose que j'imagine. Maintenant, j'ai imaginé que vous pouvez toucher ça, parce que c'est imaginaire. Vous êtes réel. Maintenant, Satan est réel. Alors, l'enfer, quoi? L'enfer est réel. Le séjour des morts est réel. L'enfer et puis l'imaginaire est réel. L'âme est réel. L'âme se retrouve en enfer parce que l'enfer est réel. D'accord, frère? Amen. Donc, lorsqu'on meurt, deux destinations. Les destinations nous attendent. On appelle ça en anglais waiting trial. Waiting trial, donc on attend le jugement. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus être dans nos prisons en Afrique comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente du jugement. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vont attendre, rester dans le jugement, dans l'attente du jugement, longtemps, mais avant que les condamnations ne viennent. Il y a des personnes qui sont restées en waiting trial, à la prison des nouvelles rencontres d'indice. Ils sont morts, ils vont attendre qu'un cas ne soit jugé, n'est-ce pas, frère? Ils sont où quand même? En prison. N'est-ce pas? Donc, l'enfer, le dîner que l'enfer, c'est le séjour des morts. Rien n'est que si nous ne pas ta vie, tu vas mourir à l'enfer, c'est normal. C'est là qu'on va. La gêne attend toute personne qui refuse le fils de Dieu sur la terre. Toute personne. Ça va même plus loin, la Bible, en choquant, en déclarant que la gêne, écoutez, ça, c'est pas moi, même si vous fâchez maintenant, il n'est rien à faire parce que c'est la Bible qui dit. C'est à peu près ce que je vais vous donner la dernière fois. Il a dit que quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Frère, là-bas, la miséricorde parle de ses enfants, la justice de Dieu, le droit. Le droit, c'est la colère au jour du diable, la colère de Dieu. Là-bas, c'est une année. Il y a trois ans, Seigneur, écoutez une dernière fois, nous. Une dernière fois, j'ai pris l'idée, même que vous lavez le sol, vous lavez là-bas, vous lavez le sol. Il n'y a pas le sol, là-bas, il n'y a pas le poussière là-bas. Seigneur, ça va, ça ne trouve pas là-bas. Et même si Dieu te dit que donne une parole qui va te faire tout ça, à ce moment-là, tu n'auras plus les paroles. Parce que celui qui est devant toi, c'est le ciel s'enfuit devant ta face. La terre s'enfuit. Amen. Hébreux chapitre 11 donc. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on lui en eut fait le tour pendant 7 jours. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La Bible nous donne une série de personnes dont la foi est des dimensions de l'attente que Dieu a pour nous. Puis, dans ce verset 35 du Hébreu 11, il dit des femmes recouvrer leur mort par la résurrection. Comment? Expliquez un peu. Et puis on dit d'autres ont été livrés au tourment et ils ont refusé d'être délivrés. C'est-à-dire qu'on tourmentait les gens. Ils refusent d'être délivrés. Je vous ai raconté l'histoire de Polycarpe ici. Un frère, Polycarpe, le disciple de l'apôtre Jean. Il avait été dans une maison, dans une chambre haute. Il tentait de partager la nourriture. Les Romains sont entre eux en cherchant. Il était déjà un vieillard. Il est allé, on l'a caché dans une ville. On est venu, on a attrapé les gens. Où est-ce qu'il est, votre politable? Il est sorti pour donner l'esprit. Il dit, oh, il va se cacher. Vous savez, les gens sont prêts à manger. Pourquoi ils disent, non, il est caché, pourquoi? Il fait faire de la nourriture, donc c'est lui. On l'a attaché, on l'a mené. Il a plus de 80 ans. Il marche là-bas au cours des soldats avec un seul homme. C'est là où Romain lui dit, réunis seulement le Christ avec Dieu, c'est là et Dieu. C'est le roi qui est ton Dieu. C'est le Seigneur qui fait ce qu'il est. Il va capturer le bas, mais c'est lui qui n'a jamais dit ce qu'il faut, c'est le roi qui est le roi. Et moi, je faisais 11 minutes quand Satan dit que, et d'autres furent dans le poumon, ils refusaient d'être délivrés. Pour avoir pas une meilleure. Donc, tous ceux, c'est dans le monde, ils disent que les femmes découvraient leur mort par la maison. Et les femmes, elles sont mortes. Et les gens, sont morts. Vous comprenez quoi? Alors, ils étaient là-bas, arrivés quelque part. La nuit était passée, on a enlevé les trucs. Vous savez, il a mis le feu, mettre le feu, mettre le feu autour de lui. Il est resté là, debout comme ça, resté debout, la flamme fuyait son corps. Il s'est mis à genoux là-bas, debout, pleurant, devant le Seigneur, en priant, on voit que le grand Seigneur envoie le feu dans les yeux de ciel-là. Envoie le feu comme dans les yeux de ciel-là. Comme vous pouvez toujours pas arrêter aujourd'hui, là, il se souvient que Dieu a donné la puissance de marcher sur les terrains. Il envoie le feu sur le juge. Il envoie le grand délit, il vole la preuve là. Vous savez, moi c'est le juge en train de faire. J'en ai vu des tests cas ici. Vous savez, dans un coin ici au Cameroun, il y a un tribunal là-bas. On avait mis comme la climatisation à ce moment-là, on a fait un planche. Il y a les fenêtres sont ouvertes carrément. Et quand on fait le tribunal, les gens viennent au tribunal en train de voir. Il y a des papas là-bas qui sont des sorciers aguerris. On a accusé un papa parce qu'il avait tué son frère à la sorcellerie. Tous les dossiers étaient là comme ça. Il a dit que les gens sont enfermés. Le juge a dit qu'il était enfermé. Il s'est dit qu'enfin moi je vois. Il était en plein tribunal comme ça. Un mois est passé comme ça devant le juge, pendant le dossier parti. En plein tribunal, tout le monde va être passé dans le tribunal. Arracher ça en bas comme ça. Forcer dans le tribunal, parti. Donc le juge a applaudi. Il faudrait que pendant le juge va prononcer quel jugement là-bas. Alors ici, la Bible déclare que les morts furent, ces femmes recevaient les morts par la résurrection. D'autres refusaient, c'est-à-dire qu'ils ont refusé d'être délivrés. Donc ils ont accepté de ne passer pas à la mort pour attendre la meilleure. C'est que nous attendons la frère. Alors là, c'est pour le faire, c'est tenu là-bas. On croyait qu'il devait prier pour envoyer une frère. Non. Il a prié. Il priait pour les chrétiens. Priez pour les ennemis qui devaient nous accepter. Priez pour ces ennemis, pour leurs âmes, pour que Dieu protège leurs âmes, que Dieu les pardonne. Ça, on ne peut pas faire ça si l'esprit de foi qui est là-bas n'est chez nous. Quand on fait, papa, comme le frère pose la question sur l'orgueil, tu dis que je vais te montrer que le caractère est néant. C'est le réflexe là-bas, lorsqu'on n'est pas loin de l'esprit. C'est peut-être l'esprit de Dieu doit venir sur vous pour intercéder, pour que tu puisses nous bénir ton ennemi de la bonne façon. Pas dire, je t'aime quand même, après tu peux avoir dit, il m'avait senti, il n'y a rien, il faut qu'il voit. C'est-à-dire que vous avez au niveau où on parle mal de nous, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te bénisse, ne soit pas directement discuté sur ton cœur. C'est ce niveau-là que la Bible attend les gens. Je crois qu'on va revenir au niveau de le chrétien, l'amour chrétien. D'accord? L'amour du chrétien. Alors, la résurrection d'entre les morts. Les gens ont découvert leur mort. Leur mort. Oui. Parce que vous avez un roi et deux rois. L'histoire d'Élie, le prophète d'Élie et Élisée. Cet enfant qui a eu mal à la tête, et donc le prophète dirigeait à envoyer son serviteur dans les mêmes bâtons, il savait que ça n'a pas donné. Vous souvenez de ce que je dis, c'est des femmes recouvrées même moins par la résurrection. Et le prophète Élie s'était couché sur la face de cela, et il a été né trois fois. Bon, maintenant, je peux commencer ce soir s'il y a plus de questions. Alors, en clair, le sujet des morts, c'est l'enfer. L'enfer sera vécu. L'enfer sera délivré. Oui. Le deuxième, c'est exactement dans la Genèse, parce que dans l'Apocalypse, le 21, le verset 8, il y met tous les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, et tous ceux qui commettent le mensonge, leur part sera dans l'état avant du feu et du sang. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là, c'est vraiment le monde. C'est vraiment l'état avant du feu. Et pour les fantômes, en fait, tu voulais parler de ce que tu as appris, c'est que tu as appris, c'est que tu as appris, c'est que tu as appris, c'est que tu as appris, c'est que tu as appris, c'est Puis ils ont expliqué le phénomène du tunnel, jusqu'à dire clairement que je vais vous expliquer maintenant quelque chose. Il a expliqué les choses, en fait ce qu'il voulait vous dire, c'est qu'il y a des fausses visions de ces choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens que le Seigneur leur montre quelque chose, des choses réelles de l'au-delà. Il y a des gens que c'est Satan qui le montre. C'est-à-dire, Satan lui montre les mêmes choses que Jésus montre. Hein, frère? Je veux que vous gardiez seulement ce qui est à l'esprit. Je vais vous poser une question simple. Ouvrez votre esprit, je vais vous montrer quelque chose d'abord. Il y a des gens, quand ils lisent dans leur Bible, quand ils disent des choses, quand ils les choquent, ils disent, est-ce que Satan montre les visions comme ça? Ouvrons la Bible de Matthieu, chapitre 4. Sinon, vous pouvez comprendre qu'un être humain vient. Quand j'étais mort, je suis allé au ciel, j'ai vu, je suis allé au ciel. Même un laïc refuse ça. Même le marabout lui-même, avec l'histoire de Jésus, lui-même, il ne va pas dire jamais. Ça va là, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui témoigne que Jésus avait un ange au paradis. Jésus, dans la Bible, dit que c'est pourquoi celui qui me suit veut avoir commis un grand péché. Il n'aurait pas eu lieu pour lui. Il n'est pas net. C'est ça, frère. La Bible a prédit celui que sa demeure soit privée au milieu. C'est ça, frère. Quelqu'un dit oui. Il dit qu'il a vu au paradis. Forcément, il a des bonnes choses dans ce paradis-là. Il y a le paradis de Satan. Si vous voulez prêcher les séjours sur le paradis satanique. Mohamed en a vu, frère. Mohamed, le prophète musulman, en a vu le paradis. Et là-bas, si tu fais des biens sur la terre, on va te donner des vierges, tu vas pouvoir coucher avec des vierges comme tu veux. C'est paradis en mangeant des choses, les vierges avec les yeux doués. Vous y êtes? Elle dit qu'elle dit déjà. Mathieu, alors Mathieu, dans chaque étape là. Vous savez, allons-y rapidement. Regardez. Il y a dit que c'est très rapidement, il compte pas tout ça. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour se tenter par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il prit faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pleurs. Des pleurs. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il aussi écrit, tu les tenteras pour le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore, écoutez très rapidement maintenant, encore sur une haute, sur une montagne très élevée. Écoutez maintenant, regardez votre verset. Lui montra, lui montra quoi, frère? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses à condition que tu te donnes et m'adore. Ça, c'est une écurité sur lui. Maintenant, sur une autre montagne, n'est-ce pas, frère? Regarde-moi très attentivement. Montre-moi la montagne qui est sur la terre. Sur laquelle tu peux t'asseoir, monter au sommet et voir tout le monde. On a dit tout le monde. Dites-moi, c'est une montagne. Le plus haute montagne est appelée quoi? Le Kilimanjaro, c'est où? Au Kenya, n'est-ce pas? Donc, tu es au Kenya, tu es au Cameroun. Mais la Bible déclare qu'il a montré au Seigneur Jésus tous les royaumes du monde, non seulement ça, et les gloires. Pour le dire, les gloires de ces royaumes. Donc, Satan a donné la vision au Seigneur Jésus. Il a fait voir la vision. N'est-ce pas, frère? Amen. Dieu a fait la même chose avec Moïse. Alors, vous allez déterminer rapidement là. Dieu fait la même chose que Satan a fait avec Jésus et Dieu a fait avec Moïse, le prophète. Déterminons. Lorsqu'on va lire Deutéronome, préparez Apocalypse, là, on y va rapidement, et puis Apocalypse chapitre 1. C'est bon, là on peut continuer. Deutéronome, le dernier chapitre de Deutéronome. Vous y êtes. Chapitre 34. Vous, quand cette frère n'est pas encore venu, on peut avancer sans elle. C'est notre frère. Amen. Souvenez-vous de transmettre les données du jeûne telles que vous avez reçues aux autres qui ne sont pas là. D'accord, frère? Amen. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. C'est pour ça qu'il dit, répétez, voir ce que je vous ai dit. Les données, les jours tels que je vous ai dit, les points tels que je vous ai donné. S'il y a des choses nouvelles ou bien à y ajouter, je vous en donnerai. On peut avancer là. Deutéronome chapitre 34. Donc, dans Deutéronome chapitre 34, c'est la fin du parcours de Moïse sur la terre. Il a fait son parcours, il a retiré les Juifs du pays d'Égypte pour venir exactement au lieu où Dieu leur avait donné. Dieu lui demande de monter sur la montagne maintenant. Verset 1 dit, chapitre 34 de Deutéronome, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Vous y êtes, frère? Oui. Tout le pays, Galaad jusqu'à Dan. Tout Neftali, le pays d'Éphraïm et de Manassé. Tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la vallée des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité et je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Si vous lisez donc le livre des Genèse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 15, 26, 28. Vous allez voir effectivement que Dieu va dire cela lorsqu'il a appelé Abraham. Il va dire à Abraham au chapitre 12 qu'il va lui donner une postérité. Au chapitre 13, quand il va parcourir le pays, au chapitre 15, il va lui demander parcours tous ces pays le long à l'Ashka, partout tu vas pleurer au pied là-bas, je vais donner ça à ta postérité. Maintenant, Abraham a dû faire le parcours un peu, imaginez un peu la frontière du Cameroun. C'est-à-dire que, remarquez le tracé, quand vous voyez sur la carte, on dit que c'est le triangle. Remarquez cette carte-là. Quelqu'un se tient en un endroit. On lui monte le mont dans un endroit comme Abamenda. On zoome sur le bas, on zoome, il voit exactement les frontières, les bornes d'Israël. Mais il était sur le mont Nebo, à Pisga. Vous avez vu ça, frère? Donc, c'est que le Seigneur a fait ici à Moïse, c'est la même chose que le diable a fait à Jésus. Tout le roi, en un instant, il est en un endroit. On lui présente, c'est ce que vous faites aujourd'hui avec l'écran. Quand quelqu'un quelque part, il est quelque part en train de faire quelque chose, il fait comme ça, il ne sait pas qu'on le voit. Ici, si quelqu'un se tient ici avec une caméra, on le zoom, on dit, on appelle le zoom. On prend quelque chose qui est à. Ceux qui connaissent le principe optique là, vous voyez qu'on a mis infini là-bas. Donc on prend à l'infini, on filme quelque chose qui est loin, on zoom. La personne ne parle pas. Quand il guette comme ça là, puisque ses yeux ne peuvent pas regarder jusqu'à un kilomètre pour savoir que quelqu'un doit le regarder, on doit le filmer. Alors maintenant, si l'appareil photo peut faire ça, imaginez Dieu. Maintenant, imaginez celui qui a inspiré l'appareil photo aussi. Vous y êtes. Donc, faites attention à l'être qu'on appelle le diable. On avance. C'est pour cela que le Seigneur a donné ce qu'il fallait à l'Église pour tenir contre lui, l'Esprit de Dieu. Apocalypse chapitre 1, qu'on sort de ce sujet-là définitivement. Normalement, la deuxième question de la dernière fois que je n'ai pas répondu, normalement, l'explication que j'ai donnée là, c'est déjà répondu. L'autre question qu'il avait dit, est-ce que l'enfer est déjà ouvert? Lorsque les gens disent que non, l'enfer n'est pas ouvert, ils sont en train de dire indirectement, sans s'en rendre compte, ils parlent plutôt de la géhenne. C'est-à-dire qu'ils veulent dire, est-ce que la géhenne est déjà ouverte? Mais il y a une chose que je vais vous expliquer encore maintenant, doucement. Je crois que je vous ai expliqué ce que je voulais dire. J'ai pris Matthieu chapitre 4 et Deutéronome chapitre 34 pour vous dire, Dieu a montré la vision de tout le territoire juif à Moïse en une position. Satan a montré, lui, ça n'a pas été grave, pour Dieu était un pays. Il a montré le monde entier. Mesurez bien à qui Jésus a eu affaire. Et c'est le Saint-Esprit qui dit, Jésus qu'il a envoyé au désert. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Je prenais ça pour vous montrer que Satan a montré des visions aux gens sur la terre pour pervertir l'œuvre de Dieu. Il dit, pour que quelqu'un vienne se tenir ici, dit qu'il est allé au paradis, il a vu Marie. Marie a dit que c'est à cause de la, de l'intercession que vous faites sur la terre, pour la, vous appelez le cœur immaculé de son fils, ainsi de ce que continuant à réciter la litanie, la paix va venir. Vous entendez déjà des choses comme ça? Et la personne parle des sérieuses là-bas, pieuses encore. Vous parlez des pieuses. Parlez de. Et l'autre dit qu'il a vu le pape Jean-Paul II en enfer, pas parce que Jean-Paul II adorait les marines ou quoi que ce soit, mais parce qu'il vivait une vie de désordre derrière. Vous entendez ces choses? Pour dire quoi, les catholiques pourraient rester dans votre endroit. La question, c'est que vous marchez bien, vous n'êtes pas la fornication derrière, mais vous pouvez vous rester devant un statue. Pourtant, la Bible parle contre la grande abomination qu'est l'Église catholique. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, elle se tient de ce côté-ci, elle dit Judas. Le plus grave, c'est que même, laissez-moi Jean-Paul II, le cas de Judas, tout le monde, dit même un marabout, c'est que Judas sera en enfer. Même le diable lui-même ne peut pas tolérer que Judas entre au paradis. Vous me suivez, frère? Lui-même, le diable lui-même, on dit qu'on rachète Judas, il va dire que non, il a fait fort. Lui, avec le Seigneur, il s'est opposé au Seigneur depuis. Judas est entré à côté, il mangeait avec lui. Le dernier plan qu'il a mangé, il a mangé avec le Seigneur. C'est pas vrai, frère? Celui qui mangeait contre moi, dans un même plat, lève le talon contre moi. C'est ça? Alors, écoutez très attentivement. Cette ambiguïté dans le monde entier où Satan donne les visions aux gens, sur l'enfer le paradis. Dieu donne sur l'enfer le paradis, c'est normal que ça arrive. Vous savez, vous lisez le livre d'Apocalypse doucement. Doucement, vous allez arriver à la conclusion que Dieu peut donner les visions aux gens par rapport à l'enfer, authentiquement, en montrant même à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur. C'est le livre d'Apocalypse. Puisque Jean a vu la fin du monde, alors qu'on se rend compte au début. C'est pas ce que c'est ici. N'est-ce pas, il a dit qu'il a vu comment les cailloux sortaient ici, ça frappait les gens, parce que les gens criaient que. Il a même entendu les cris de ceux que ça va arriver ce jour-là, ils vont crier. Vrai, frère? Amen. Alors que ces personnes-là ne sont même pas encore nées, n'est-ce pas, frère? Il a vu le fait qu'il y aurait les gens. L'apôtre Jean a vu la télévision et l'internet avant, pendant son temps. Il a vu ce n'est pas vrai? Il a écrit l'Apocalypse qu'il y aura la télévision sur la terre. Vrai, frère? Amen. Comment il n'y a pas dit? Vous ne dites pas vrai aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a écrit ça autour, comme tu vous comme les autres ont dit vrai. Il a écrit ça au. Monsieur demande l'effet des masques. Il dit l'apôtre Jean dans Apocalypse a parlé de Internet, de WhatsApp, de Skype, des réseaux sociaux. Il a parlé de ça dans Apocalypse longtemps avant. Ça, c'est plus de 2000 ans. Il a parlé de ça ici, pas vrai? Or, avec le téléphone portable, donc Dieu lui a montré la fin de ces choses-là, n'est-ce pas? Et maintenant, la Bible dit. Comme on a lu dans la dernière fois dans Apocalypse chapitre 20, il dit, et le diable, verset 10, le diable fut jeté dans le temps. Donc il a vu le diable être en train de jeter dans le temps des feux. Pas vrai? Amen. Où est la bête et le faux prophète? Il a vu même les gens être marqués de marque de la bête, n'est-ce pas, frère? Amen. Il a vu la marque de la bête étant sur la terre. N'est-ce pas, mon cher frère? Amen. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, les gens disent donc, la question que les gens posent, c'est comme le Zula pose la question la dernière fois, est-ce que l'enfer est déjà ouvert? L'enfer est ouvert depuis la création du monde, quand l'homme a péché pour la première fois, l'enfer était ouvert. Donc, c'est pour ça qu'il dit que, ayant répondu comme j'ai répondu là, ça devait régler le problème. Parce que quand tu meurs, tu vas au séjour des morts. Même quand on était sur l'Ancien Testament, tu vas automatiquement là-bas, au séjour des morts. Mais maintenant, depuis que Christ est venu, les morts en Christ n'y vont pas. Parce qu'ils ont de l'espérance maintenant. D'accord? Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Lorsque nous allons pas maintenant au séjour des morts, nous allons en haut, parce que le chemin du sage finit en haut, n'est-ce pas? Maintenant, les morts qui sont dans le séjour des morts maintenant, comment font-ils et qui les envoie là-bas? Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Regardez, verset 4 et suivant. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu quelqu'un? Le premier-né? Ah, mon Dieu! Vous pouvez, non, continuez, il y a là cet esprit-là fort là-dedans. Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, celui qui nous aime, et qui a. Et qui. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset suivant. Voici, il vient avec les niais et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Vous avez vu comment ça se passe, n'est-ce pas? Au jour du Seigneur, il a été enlevé. Votre version dit qu'au jour dominical, que c'est le dimanche qu'on a eu la vision, il faut que vous soyez délivrés. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est-à-dire que son esprit fut enlevé pour voir en quoi consiste le jour du Seigneur. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Laodicée. Je vais m'arrêter d'abord pour que vous voyez l'importance de ce que nous lisons. Si une vision lui a été donnée, c'est parce qu'une voix, la voix de la trompette lui dit, ce que tu vois, mets ça sur écrit. C'est que, et au verset 3 ici, quand on commence au verset 3, il dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de ces prophéties. Donc quand tu lis, déjà, tu entends, tu es déjà heureux. Au chapitre 19, verset 5 et 6, il va dire que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est ça, frère? Amen. Donc quand on lit la Bible, je ne sais pas comment on peut négliger comme ça. Or, remarquez bien que Dieu a pris soin pour qu'on puisse écrire ce qu'il a de voir. S'il voyait ça à sa vision, il restait tranquille. Où seront nos frères? Tout ce que nous ferions sur la terre, c'est des suppositions. Maintenant, un pasteur ici à Douala a dit à ses fidèles que sortez vos Bibles, tout le monde a sorti. Il dit, levez-la, il dit oui. Ouvrez Apocalypse, il dit Apocalypse, il dit déchirez. Il dit qu'il a reçu de Dieu, qu'Apocalypse ne vient pas de Dieu. Tout le monde a déchiré. Jésus a dit qu'on ne supprime pas un seul iota. Lui, il a supprimé tout un livre qu'on dit que c'est là justement le dénouement. Peut-être qu'il a lu là-bas, ça a effrayé par rapport à ses œuvres. Il ne voulait plus voir ça. Maintenant, verset 12, je m'étais retourné pour connaître. J'arrive là, suivez gentiment. Dès que je vais arriver là, je voulais arriver, on va s'arrêter. Je me retournais pour voir, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Écoutez, et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, écoutez très attentivement ce petit volet là, c'est là où vous vivez avec. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Terrible. Vous savez quand vous adoptez le trousseau de clés, non? Il dit qu'il tient les clés de la mort et du celui de mort. Donc la clé qui ouvre la mort, la clé qui ferme. Et la Bible déclare que c'est celui qui repose la domination. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Maintenant, ouvrez Matthieu chapitre 16. Je crois qu'il faut qu'il finisse là rapidement et quitte. Matthieu chapitre 16. Papa, t'as dit bonsoir. Tu es resté calme aujourd'hui parce que tu ne veux pas que tu parles encore ici maintenant que d'autres morts arrivent. C'est ça? Hein? Depuis ce soir, tu as pu parler. C'était assorti. Donc préparez-vous. C'était assorti. Un, deux, trois. Et après maintenant, un calme, maintenant, puis quatre. Bon, Mathieu, je peux te sortir ici, frère. 17, 18, lis nous ça pour attendre, c'est pas tranquille. Matthieu chapitre 16, pas 5. Matthieu 16, verset 17, verset 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Vous avez le verset 19, n'est-ce pas? Il est écrit là-bas, le Seigneur, notre Dieu, déclare là-bas, quand cet enfant est en train de dormir, il faut remettre la porte avant qu'elle tombe ici comme était juge. Il est écrit dans ce verset 19 qu'il dit, je te donnerai, ce n'est pas écrit la clé. Vous avez remarqué ce qu'il écrit? Il a écrit les clés du royaume des cieux, n'est-ce pas, frère? Écoutez très attentivement. Comment vous voudrez faire? Vous savez l'effigie du pape là. Vous savez l'effigie du pape avec un M avec les clés, de deux clés qu'on a mis en bas comme ça là. Oui. Lorsque vous aurez pensé charnel, vous aurez toujours pensé charnel. Parce que clé veut dire qu'on ouvre la porte avec, en principe, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant ici le Seigneur dit, je suis en train parce qu'il veut expliquer quelque chose. Le Seigneur dit ici, je te donnerai les clés du royaume des cieux. N'est-ce pas, frère? Il y a un Dieu pour après cieux. Vérifiez dans votre Bible, c'est ça? Hein? Amen. Après, c'est ce que tu seras. C'est avec ça que les papes ont effrayé les potentats, les rois, avec les princes, tout au long des siècles des ténèbres dans le monde. Ils prononcent les anathèmes, que vous savez que Dieu m'a donné les clés. Si il dit que tu es en enfer, tu es en enfer. Les rois faisaient comme ça, que le pape prend, mais si le pape prend tous les textes que tu veux. Vous voyez comment on peut être intelligent et être aussi vraiment, vraiment minuscule. Maintenant, il dit, les clés consistent à lier et à délier. C'est ça, frère? Amen. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délieriez sur la terre sera délié, n'est-ce pas? Amen. Bon, avant qu'ils me disent des choses ici, que vous allez comme ça me regarder encore un genre maintenant. Mais regardez que les clés pour le royaume des cieux se trouvent sur la terre. Les clés pour le séjour des morts et la mort se trouvent dans les cieux. Celui qui est mort est vivant. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, là, chapitre 2, on a vu la dernière fois, verset 25 à 37, il a dit clairement qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. C'est ça, frère? Dans ce cas, ce que veut dire, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est quoi donc ces clés? Et c'est quoi donc les clés que le Seigneur donne à la porte de Pierre? Mais ce que je vais vous faire d'abord comprendre, c'est que les clés de la mort et du séjour des morts ne se trouvent pas sur la terre en aucun être humain. Parce qu'ils sont assujettis à la mort. Ils sont assujettis à la mort et par conséquent potentiellement aspirables par le séjour des morts. Mais celui qui est passé par là, tu ne permettras pas que ton bien-aimé va à la corruption. Il est allé là-bas, il est sorti là-bas, il a déclaré qu'il est vivant. Donc la mort n'a plus jamais le pouvoir sur lui. Lui seul donc détient la clé pour commander et la mort. Il peut donc envoyer là-bas et faire sortir là-bas. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel puissant dans le combat. Vous avez vu ça dans votre Bible, frère? Amen. Alors le voilà. Maintenant, il tient les clés de la mort. Mais je veux vous constater que les clés de la mort et de celui de la mort se trouvent en haut, entre les mains du Seigneur. Donc en réalité, la mort n'a plus de pouvoir sur aucun être humain sur la terre. Vous avez saisi ça? Vous avez saisi? Amen. En réalité, la mort n'a plus de pouvoir. Ce qu'il fait là, c'est la dernière respiration. Je tiens les clés. Maintenant, si quelqu'un dit je tiens les clés de la mort et de celui de mort, je tiens maintenant l'autorité, le commandement au-dessus de lui. Donc, ne craignez rien sur la terre. Ouais, nous pouvons en faire confiance à ce Dieu-ci en étant sûr que comme il est allé dans la mort et a été vaincu, et a vaincu la mort et le celui de mort et tous ses corps, et les a exposés à la croix, nous sommes sûrs que nous passons par là. C'est ça? La Bible déclare que si nous croyons que Christ est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu nous ramènera aussi des morts avec lui. Nous croyons tout simplement, pas vrai? Amen. C'est ça. C'est ça. Luc, chapitre 8. Mon mari est sataniste, j'ai demandé le divorce. Tu parles. Comment tu vas te tenir devant Dieu un de ces jours, frère, ma chère soeur? Luc chapitre 8. Dans la dernière fois, nous avons lu Jean chapitre 8, où nous avons vu comment les gens ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que le Seigneur Jésus-Christ les sondait, en leur retoquant la parole, leur vrai natif s'est fait connaître. Et nous sommes posé la question, quel fruit est-ce que tu portes? Nous avons vu aussi 40 à 44 comment Jésus leur a dit que vous avez pour père le diable et vous voulez faire les œuvres de votre père. Donc finalement, ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ étaient au milieu du Seigneur Jésus-Christ voulant tuer Jésus. D'où la lecture de les vérifier vraiment qu'on a vraiment cru en lui. N'est-ce pas? Mm-hmm. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 8. Et là, je vous ai donné, j'ai fait esprit de cette fois-là, n'ai pas lu Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, c'est le chapitre de la demande de fruits. N'est-ce pas, mes frères? Nous avons vu que la vie chrétienne ne peut pas être comme Dieu veut sans que notre foi soit manifestée physiquement. Cette manifestation physique-là est appelée dans les œuvres de la foi, n'est-ce pas, frère? Les œuvres de la foi. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6, 7, 8 et 9, que le jour des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Et on a vu qu'il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Puis on dit, ces fin lin éclatant pur sont les œuvres justes des saints. Et dans le chapitre 14, verset 13, nous avons constaté que le Saint-Esprit nous a dit là-bas que heureux des appelants les morts qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les suivre. C'est-à-dire que tous les actes que tu auras posés sur la terre vont faire état avec toi. D'accord? Donc il y a une récompense, une rétribution qui nous attend quelque part. Alors il faut donc qu'on s'attelle, nous qui sommes vivants, à examiner quelles sont nos œuvres, quel est le fruit que nous portons en professant être chrétien. Sinon, nous allons tuer Jésus encore pour une seconde fois. Parce que cela tue la parole manifestée. Si nos œuvres sont contraires à la parole, nous sommes exactement comme ceux-là devant le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 8. Verset 30 à 40 là. Nous sommes exactement comme eux. Parce que nous manifestons également notre natif vis-à-vis de la parole. Parce que la parole ne peut pas dire quelque chose, vous faites autre chose. Puisque Jésus, notre Seigneur, dans le verset 31 de ce Jean chapitre 8, vous me suivez frère, dans ce verset 31 du chapitre 8 de Jean, le verset 30 dit, pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, puis il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous apprend. Mais la Bible déclare que pendant qu'il parlait, plus j'avais cru. Donc, ça veut dire qu'on accepte vraiment qui il est. Il avance maintenant pour les tamis. C'est pour dire que même les semences de Satan peuvent être en milieu chrétien. Mais leurs œuvres vont se faire connaître. D'accord? Alors, remarquez très attentivement maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est en demeurant dans sa parole qu'on reconnaît les vrais disciples. Aujourd'hui, les vrais disciples sont remarqués, c'est le pasteur qui félicite que non, tu es assidu à l'église. Il dit que tu es assidu à l'église. Quelqu'un peut être sérieux, être là de chaque jour, 5 heures, là, c'est un qui sonne la cloche, ouvre les portes, nettoie les oreilles, mais c'est un grand sorcier. N'est-ce pas, frère? Donc, c'est les œuvres. Il y a les œuvres de la foi. Et j'ai dit, là, cette fois-là, en citant le livre de Jacques au chapitre 2, où il a dit, comme l'âme sans âme, enfin, le corps sans âme est mort, ainsi est la vie chrétienne. Si votre foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Donc, ça veut dire que cette foi ne peut pas te sauver. C'est-à-dire, en réalité, Jacques veut dire que tu n'as pas cru. Donc, que tu te trompes. C'est ce que Jacques chapitre 2. Regardez Luc chapitre 8, là. C'est pour ça que quand vous lisez, vous comprenez le langage biblique, ça va vous faire réfléchir. Il dit, en réalité, Jacques veut dire que tu n'as pas cru. C'est que quand Jacques prend sa première année d'écrit, il a dit que c'est que tu te trompes, tu n'as pas cru. Nous allons voir cela, raconter sa pensée ici maintenant. Jacques chapitre 2, Jacques c'est après Hébreu. Jacques c'est après Hébreu. Nous allons lire Hébreu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Jacques chapitre 2. Si tout le monde dit, aidez quelqu'un à ouvrir Jacques chapitre 2, pourquoi nous allons doucement? Parce que je vous ai gardé plus longtemps là déjà. Verset 14, je vais lire, vous y êtes, verset 14. Mes frères, Que fait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous devez répondre à cette question. Vous devez répondre à cette question. Vous devez répondre à cette question. Vous lisez ce genre de passage, n'avancez pas. Parce qu'il n'a pas mis le nom de quelqu'un là-bas. Il a dit, mes frères. Donc tu te comportes comme chrétien. Tu dis que tu es chrétien, disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et face à ça, tu mets ton nom. Alors Jacques te pose la question, ou le Saint-Esprit pose la question, que ferait un tel, soit un tel, qu'est-ce que ça te sert à dire tu es chrétien si tu ne prouves pas par ta vie? Demande à quelqu'un, quelle œuvre produis-tu? Donne-toi, regarde quelqu'un, pointe-lui le doigt vers le nez, si son nez bien même. Dis, quel est ton style de fruit? Dis, c'est mon frère qui a posé cette question. Il dit, mes frères, que fait-il? Ça te sert à quoi? Il dit que j'ai la foi. C'est pour cela que les chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Tu es chrétien? Et cacha, ya, ya, ya, ya, ya. On dit, waouh, tu es pentecôtiste. Ah, vous allez me tuer. Vous voyez, de telles choses. La marque du véritable chrétien se trouve dans la Bible. La référence, c'est dans la Bible. C'est pour cela que je me tue dans les enseignements. À prêcher en disant d'une certaine façon que, donc peut-être que vous ne pouvez pas aimer de cette façon-là. Je dis vérifiez que vous êtes sauvés. Vérifiez que vous êtes chrétien de la bonne manière. C'est de ça dont je parle. Vous pouvez regarder dans la Bible, puisque la Bible, c'est lui qui nous parle, dans ce même Jacques-ci, comme le miroir, n'est-ce pas? Dans ce livre que nous avons devant vous, au chapitre 1, verset 25 et suivant, il dit que cette Bible, c'est quand vous ouvrez de la bonne manière, il appelle ça la loi de la liberté. Puis il dit la loi parfaite. C'est la loi de la liberté. Quand tu regardes, ça t'affranchit, comme Jésus avait dit. La loi de la liberté. Il dit que c'est comme le miroir. Il dit que si vous regardez dans ce miroir-là, vous regardez, comme vous allez dans le miroir, vous regardez, il y a la tâche sur vous. Vous laissez cette tâche-là, vous partez. C'est comme si vous lisez la Bible. Vous voyez, on dit par exemple, ne mentez point les uns les autres. Et a été dépouillé. Tu lis, tu fermes, tu mens. C'est exactement comme tu allais devant le miroir. Après, elle te quittait là-bas, tu as oublié comment tu étais. Mais il dit, mais celui qui aura plongé son regard, n'étant pas un auditeur oublieux, c'est-à-dire qu'on est bon, c'est bon pas seulement écouter. Vous voyez quelqu'un qui a pris des notes de 1960, noté là-bas 1960. Puis la prédication parlait de quoi et d'autres notes que les séries de versets. Tu parles, n'écris pas, une note que les versets. Si les versets, ne notez pas les versets. Vous avez ça dans la Bible. Vous ouvrez une page. Mardi le 22 janvier 1999. Acte chapitre 2. Acte chapitre 3. 1 Pierre chapitre 2. Quand vous voulez 1 Pierre, tout ça se trouve, ce ne note plus. Ce n'est pas ça qu'il faut noter. D'accord, frère? Donc, on note quelque chose, puis le verset qui accompagne. Sinon, quand tu as fait 2 ans, ou même 2 mois, tu vas regarder le verset, on parlait même de quoi ici? Le thème que vous écrivez sur votre cahier est révélateur. Alors, quel style d'œuvre produis-tu en tant que chrétien? Ou mieux, est-ce que par ta vie pratique, on peut t'identifier dans la Bible? Ou mieux, est-ce que si on te prend, on te met dans la Bible, tu auras des places. Ou encore, si tu présentes la Bible, ça marche au devant de vous comme ça, tu peux bien te mirer. Ah si oui, c'est oui, mirons-nous maintenant. Verset 1, verset 14, regardez. Mes frères, que fait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Quelqu'un a dit qu'il a la foi. Or, la Bible déclare que cette foi-là vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il entend, il dit, il lui dit qu'il a la foi. Or, la parole doit lui produire la foi pour qu'il exerce les œuvres. Et nous avons vu la dernière fois dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Donc, en réalité, si nous sommes chrétiens de la bonne manière, une tâche nous est offerte bien qu'avant que nous voyions dans le monde. Alors la vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, le véritable début de nos vies chrétiennes consiste à identifier ce pourquoi tu as été appelé dans le corps. C'est ça. Et vous ne devez avoir des prières tournant autour de cela afin de savoir ce qu'il en est. Quand vous êtes à cet endroit-là, vous entrez dans ce qu'on appelle dans notre domaine en rond là, le cœur du Père. Il est chez nous, en haut. Vous entendez, si vous êtes à cet endroit-ci, vous savez, quand on vous met plusieurs styles de chaussures, là, quand vous mettez un style de chaussures, vous forcez, là, vous forcez. C'est pour ça que quand vous allez acheter les chaussures, vous voyez, on vous donne le nylon, que vous portez le nylon, n'essayez pas, parce que le nylon, ça va glisser, ça va rentrer. Quand vous allez porter à la maison sans nylon, vous allez confirmer que, vous savez, quand vous portez, il y a des choses qui brûlent là. Parce que celui-là, lui, veut vendre sa chaussure. Quand vous mettez votre pointure, quand vous mettez, vous faites le pied, ça sort directement, sachez que ce n'est pas votre pointure, parce que c'est gros. Quand vous mettez, vous forcez, c'est ce que vous dansez debout. Vous dansez. Ah, maintenant, ça c'est pour eux là maintenant. Et puis là, vous forcez, ça entre, ça veut dire que ce n'est pas votre chaussure. Votre pointure, c'est votre pointure. Vous avez, à moins que vous ayez les pieds de 48 et autres, il faut forcément passer votre corps. Mais vous avez une pointure, que si vous regardez votre numéro, vous mettez votre pied, ça entrera là-dedans. Donc vous avez une place, une œuvre qui vous attend, pour vous. Si vous avez cette place-là, et que vous vous retrouvez à cette place-là, vous connaissez exactement la volonté du Père. Souvenez-vous de ceci. Parce que dans cette place-là, c'est seulement que Dieu vous attend. Et tout ce que vous faites étant dans cette place-là est sous le regard du Très-Haut. Vous y êtes? C'est pour cela que si quelqu'un est de faire le travail de Dieu étant dans la position que Dieu l'a appelé, vous le tentez, vous tentez Dieu. Vous parlez contre Dieu, vous parlez contre Dieu. C'est uniquement dans cet endroit-là que Dieu l'attend. Parce qu'il a de faire le service de Dieu. Vous cessez ça, nos frères? Voilà. Vous voyez, un policier, par exemple, il est en plein service, en train de gérer la circulation. Si vous êtes fort, cognez-le, vous partez. Vous le cognez là en service. La façon dont on va vous traiter en service, en circulation, la façon dont on va vous traiter, ça ne sera pas comme le policier qui marchera en route, tout simplement comme tous les autres êtres humains, vous le cognez. Parce que là, c'est un accident de circulation. Si vous le cognez en service, c'est un autre problème. Parce qu'il est en service. Vous êtes, c'est l'État qui va vous demander du compte. N'est-ce pas, frère? Ok. C'est même policier, étant dans la voiture, fait l'accident dans votre propre voiture, ce n'est pas la même façon dont on traite. Mais là, il était en service parce qu'il incarnait toute une nation. Quelqu'un qui sait Dieu à la position que Dieu l'a appelé, ça veut dire que quoi? Toute l'attention du ciel est sur cette œuvre-là, parce que toute œuvre de Dieu est éternelle. Vous me suivez, frère? Volet suivant. Qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. La foi peut-elle le sauver? Vous avez vu la question là que j'ai dit, n'est-ce pas? Donc j'ai dit que la pensée de mon frère, il voulait peut-être dire que tu te trompes pour que tu es chrétien. Ou il veut dire par exemple, parce qu'il veut dire que tu peux pas que c'est ta foi là, vrai, tu es sauvé. Donc c'est pas moi qui suis le premier à prêcher cette prédication. C'est vrai que j'utilise mon langage à moi. Mais c'est ce que mon frère a déjà dit. Il dit, cette foi là, peut-elle le sauver? Donc tu dis, ah j'ai la foi. Tu penses que vrai, tu es chrétien. Mais tu penses que si Christ vient maintenant, il va te prendre avec cette foi là. Ou bien, qu'est-ce que tu vas le présenter comme ton séjour sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme œuvre sur la terre? J'étais scout. J'étais scout. Pendant ce temps, tu volais le manioc des gens dans la chambre aux gens. C'est l'œuvre là-bas. Puis il dit ici, écoutez bien, très attentivement, pour vous montrer de quoi il est question, que nous parlons de la vie pratique des gens au quotidien. Je veux toute votre attention, s'il vous plaît. Toute votre attention. Parce que chaque fois que je vais dans ces choses, je vais doucement, c'est parce qu'on est resté dans le superficiel. On a comme impression qu'on apprend aux chrétiens à vivre dans les nuages. Non. La vie que Christ veut que nous vivions ici, c'est de montrer en réalité les exemples de la norme de Dieu sur la terre. C'est ça qui consiste la vie chrétienne sur la terre. D'accord? On vit sur la terre dans les normes célestes tout en ignorant la perversité. On marche dans la sainteté en nous aimant les uns les autres, manifestant l'amour de Dieu en ayant le cœur fixé sur Jésus. Voilà. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Alors, la vie chrétienne qui consiste dans notre manifestation au quotidien est démontrée ici, lorsque l'apôtre Jacques dit, verset 15, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, frère, c'est un parabole qui dit, non. Ça c'est la parabole, non. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, frère, que le Seigneur te bénisse, que le Très-Haut te remplisse, qui remplit ton kakwa, qui te bénit au sanctuaire, que le Dieu d'Abraham multiplie au sanctuaire dans ta vie, et toute autre bénédiction que vous pouvez prendre. Il dit, et que vous ne leur donnez pas de ce qui est nécessaire au corps. À quoi servent-ils tes paroles de bénédiction? Vous avez vu, frère? Dans cela que consiste ceci. Le Seigneur l'a montré par plusieurs fois. Pour montrer que tu dois aimer ton prochain comme toi, dans ce livre de Luc, le Seigneur a pris la parabole de ce que vous avez appelé le bon samaritain. N'est-ce pas, frère? Jean-Baptiste, quand il est venu, les gens sont venus vers lui. Que devons-nous faire? Il a dit que celui qui a deux tuniques, donne un à celui qui en a. Est-ce que ceci est compliqué, frère? Maintenant, regardez la barrière que la culture occidentale crée. Je veux que vous regardez. La barrière, vous passez, vous êtes en Europe, vous passez n'importe où, quelqu'un tombe là, vous regardez. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est exactement comme le sacrificateur qui partait à l'église, à la synagogue, en laissant les gens là-bas. Jésus leur a dit, un homme passait par Jéricho, un jour, un homme, un juif là, il passait par Jéricho, il partait marchander. Vous savez, Jéricho était des endroits comme vous appelez, des endroits comme New Bell. On l'a attrapé, les bandits, les brigands l'ont tapé, on l'a laissé là-bas comme mort. On dit, il y a un sacrificateur, celui qui part là-bas, comme ça, vous priez, vous portez le péché du peuple. Le prisonnier dit, hey, il est passé tranquillement, il dit que je m'en vais, Moïse, que ton esprit pardonne celui-là. Il va dire, oh, éternel Dieu d'apprendre du Jacob, comme n'est-ce pas? Jésus raconte comme ça une histoire qu'il a vue quand il était là, n'est-ce pas? Elle lévite, remarquez bien les gens qu'on met là-bas, on met le sacrificateur, il lévite, on ne met pas les gens du peuple. Donc on parle ici des grands pasteurs, des archbishops. Il passe, il regarde les gens, il passe tranquillement. Je m'en vais pour aller offrir ce que l'Éternel, si vous pouvez voir vraiment ce que je veux dire, je prends plaisir à la miséricorde plus qu'aux holocaustes. Vous pouvez comprendre cela. Alors, il regarde cette chose-ci. Cette personne-ci qui souffre avec le sang partout. Ne vous détournez pas chaque fois, mes chers frères. Vous détournez de quelqu'un qui est dans le besoin. Vous vous détournez, vous venez vous détourner du Seigneur Jésus. Maintenant, quand il avance, il part. Maintenant, le déclare qu'il y a un Samaritain venant passer par là-bas, normalement. Jésus lui-même cherche les problèmes avec les gens. Il prend comme ça un juif qui a des problèmes. Et un Samaritain qui en a dépassé normalement. Vous avez vu dans Jean chapitre 4, quand il a demandé l'eau à boire, la femme là avait regardé que toi tu as le visage d'un juif. Moi je suis Samaritain. Qu'est-ce qu'il y a avec toi et moi? Il fallait seulement donner l'eau à boire. C'est l'eau à boire qui a amené l'histoire des religions. Alors le Samaritain a pris, nettoyer ses plaies, aller à l'hôtellerie, payer son avance, dire au type là que occupe-toi de lui. Il m'en vais comme ça faire quelque chose. Et s'il manque quoi que ce soit, mets à mon compte. Il est parti. Je vous pose la question. Vous remarquez très bien que le Samaritain partait louer Dieu, oui ou non? Oui. Le Lévite partait louer Dieu, oui ou non? Oui. Le Samaritain ne partait pas louer Dieu, oui ou non? Oui. Écoutez très attentivement. Cette parabole-là montre que le sacrificateur et le Lévite ont laissé Dieu en route pour aller faire la religion. Le Samaritain a quitté la religion pour faire ce que Dieu veut. La Bible déclare, quand les païens qui n'ont point de loi, font eux-mêmes, pratiquent ce que ordonne la loi. Ils n'ont point de loi, mais ils pratiquent ce que la loi dit. Oui, n'est-ce pas? Ils ont eux-mêmes une loi pour eux. Pas vrai? Maintenant, le Seigneur Jésus pose la question, parmi les trois là, qui a été le prochain de qui? Parce que ton prochain, ça ne veut pas dire ta même famille. Celui-ci a pris l'histoire d'un peuple avec un autre peuple qui n'ont rien à voir, qui sont même en antagonisme. Il veut dire par là que si tu es chrétien, tu rencontres un musulman qui souffre, tu as le devoir de l'aider. La Bible déclare dans le livre de Job, qu'on a lu ici plusieurs fois, que même quand quelqu'un, même quand ton ennemi souffre, même s'il ne craint pas le tout-puissant, il vit le péché, quand il est dans la souffrance, il a besoin de réconfort de son ami. Pas vrai? Donc, ne méprisez pas ces choses. Jacques nous parle ici de la vie quotidienne, de la pratique des œuvres. On va y revenir. Il dit que, est-ce que tu peux leur dire que tu es chrétien? Ou mieux, est-ce que tu veux dire que vrai, tu es sauvé? Parce qu'on est sauvé pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, je n'ai pas cessé de vous expliquer ça. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont taxées des œuvres justes des saints, d'Apocalypse. On dit que c'est ça, la justice des saints. D'accord? Donc, nous n'accomplissons pas les œuvres pour être sauvés. Non. Nous, pour faire les choses, vous portez les choses pour aller donner aux orphelins. Vous portez les choses pour aller donner aux orphelins en disant que Seigneur, tu as vu, je serai sauvé. J'espère qu'avec ça, je serai sauvé. Non. On est d'abord sauvé par la foi. Et quand on est sauvé par la foi, on marche dans les bonnes œuvres. D'accord? Pas les bonnes œuvres avant. Pas les bonnes œuvres, toutes les bonnes œuvres que tu peux faire avant. Avant la foi, la manifestation de la foi, tu ne peux pas être racheté par aucune. Parce que la Bible déclare, nous ne serons justifiés devant lui par les œuvres. D'accord? Mais regardez très attentivement. Nous entrons dans la récompense à cause des bonnes œuvres. D'accord? Écoutez très attentivement. Car il nous faut tous comparer devant Dieu. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vous avez lu ça dans votre Bible? Selon le mal ou le bien qu'il aura fait étant dans son corps. Étant dans son corps. Donc ça veut dire que cette personne a un corps. La personne dont on parle, comment le juger? Il avait un corps. Il était à l'intérieur de son corps. C'est les marques qu'il a faites ici quand il était à l'intérieur de son corps qui va l'accompagner là-bas. Vous avez suivi ça, frère? Vous suivez, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, continuons ici. Verset 16. Et quand on a lu cela, merci. Donc, ça ne nous en sert rien que vous voyez quelqu'un, il est dans le besoin. Oh frère, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. C'est pas comme ça se passe. La personne qui a dit mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, là, il me fait, j'arrive dans cet enseignement-là encore. Vous savez, quand il prend cet enseignement, chaque fois les gens partent, non? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, tu as une fausse foi. Fausse confession et par conséquent, un faux chrétien. Donc, ça ne sert à rien de résister. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière des sociétés. Les ampoules ne crient pas. Elles brillent. Quand tu passes, tu esquives tes orteils. Là où tu devais cogner. Même l'ampoule, même qui ne parle pas, frère, a de bonnes œuvres. Prouvons pour nous comme ça. Vous savez, j'ai reçu un message, je crois que c'est le moment de parler de cela. Sur le téléphone WhatsApp, j'ai vu un extrait de vidéo d'une femme qui était dans la voiture avec deux hommes. Elle avait dans sa poche l'œuf, le poulet, le pain, du jus. Elle a sorti comme ça là dans l'embouteillage ici là, elle mange un œuf grand. Les deux hommes qui étaient à côté, chacun plongeait les regards comme ça, comme mais c'est fort ici. Et elle sort le maïs, vous savez, l'œuf, elle mange, les gars avalent la salive en disant que peut-être le prochain va nous donner. Elle a tout mangé. Après, elle a bu. En fermant, elle jette les œufs, elle crache dans sa salle. Vous voyez, c'est la comédie, mais c'est instructif. Maintenant, elle ferme dans son salle, elle s'assoit. Elle, avec le reste du passage, elle sort dans la Bible. Jésus. Elle a sorti la Bible, Jésus. Les gars sont tournés de l'autre côté. Oh, c'est pour dire que ne tentez pas de dire cette parole ici. Or, maintenant, voici des non-croyants ici. Ils ne savent pas ce que la Bible dit, mais ils savent que l'acte que celle-ci vient de faire est contraire à ce qui se trouve là-dedans. Nous sommes d'accord, mes frères. Amen. Voilà. Donc, ils ne savent pas si vous avez reçu ce que vous avez pourquoi. Vous avez reçu ça aussi dans votre téléphone. Alors, maintenant, quand vous avez lu cela, vous avez suivi cela, ça doit vous interpeller que vos œuvres vont vous suivre. Alors, maintenant, si cette femme se trouve là-bas, écoutez très attentivement. Vous allez chez quelqu'un, vous allez chez une maman. Ce sont les simples bons sens. Vous entrez chez quelqu'un, vous dites, maman, Dieu m'a envoyé, vous venez partager la parole. Vous voyez, elle n'a pas là. Ouais, cette maman-là se lève à peine pour prendre de l'eau. Pas puiser de l'eau. Écoutez très attentivement. Jésus est mort à la croix pour nous pécher. C'est la révélation de ce que tu dit que nous sommes sur la période de grâce. Tout ça, ça ne sert à rien là-bas. Elle a besoin de l'eau à boire. Elle a besoin de l'eau à boire. Si son sol est sale, balaie. Si elle manque d'eau, dépose ta Bible. Va le puiser de l'eau. Remplis sa maison. Dis, maman, il va encore venir demain, on va faire. Puise-lui de l'eau. Même 4 fois, même 5 fois, sans ouvrir ta soupape pour dire que Jésus, que nous sommes sur la période de grâce, il est mort à la croix pour toi. Vous avez compris, frère? Amen. Voilà, parce que je vous connais. Vous faites comme ça, la maman, même si on reste la nourriture, elle mange. Tu dis que maman, on a dit que l'on ne veut pas le pain seulement. Mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, laisse d'abord ça, tu viens suivre la parole de Dieu. Ne faites pas cela. Agissez avec sagesse. C'est exactement ce que la fille a fait dans ce clip-là. Et c'est ce que Jacques est en train de reprocher ici. Qu'est-ce qui te sert que quelqu'un de nous, sur le plan physique, manque de la nourriture de chaque jour? Et que tu leur dis que allez, soyez bénis. Ne prononcez pas ça, frère, que Dieu te bénisse sans que vous ne donnez rien en réalité. Donnez quelque chose. D'accord? Vous avez suivi, frère? Amen. Je seulement dit Amen. Mais je rends grâce à Dieu pour vous ici, parce que je sais ce que vous faites même en secret et que Dieu connaît. Dieu connaît ce que certains d'entre vous faites. Vous faites ces bonnes œuvres-là, mais Dieu les voit. D'accord? Mais comme il a dit aux Thessaloniciens, vous avez déjà appris à vous aimer comme vous le faites maintenant. Abondez et avancez encore, d'accord? Avancez au niveau où vous allez arriver à un niveau de nous où vous allez dire que ah, ma maison c'est frère, comme tu vis actuellement, je te donne ma maison. Que mon frère, je te donne mon véhicule, voici mon véhicule, prends le véhicule. Vous comprenez? Vous savez, quand je joue au ballon là, chaque fois que mon épouse m'achetait les godasses, je joue au ballon souvent, je regarde les enfants qui n'ont pas de chaussures, je joue souvent, ils jouent pieds nus. Et puis je viens là, je m'assois, je finis de jouer, je dépose ma chaussure. Comme c'est cher, ils voient comment c'est cher. Il dit, oh, venez, ils viennent tous. Il dit que, mais j'ai la chaussure là, celui à qui ça suffit, tu parles. La condition, c'est que ça te suffise. Les gens viennent, il faut, il dit, toi-même, tu vois que c'est pas ta pointure, il laisse. Ou il y a un autre là qui a appris, il a fait, ah, c'est entre même pointure que moi. Il a fait le deuxième, ah, c'est moins pointure, il dit, pas, je suis resté là tranquillement, il continue à causer. Il a pris mes 2 paires de chaussures, il part travers le stade, il guette derrière. Il croit que c'est le piège. Il travers le stade, il guette derrière. Il part jusqu'à le stade, il guette toujours derrière. Arrivé au boulot, il a couru. Il est parti, quoi, peut-être qu'il m'a dit, hey, après mes godasses. Ils sont surpris parce que ces styles de ces prix-là, on ne donne pas à quelqu'un. Soyez prêts. Vous avez, il y a le cantique que vous avez chanté, c'est au départ, vous avez dit, les plaisirs du monde ne m'attire plus. Ok. Pour que vous arriviez au bon œuvre, comme tel que la Bible est en train de dire, il faut que les plaisirs du monde ne puissent plus avoir ses dents sur toi. Si vous avez encore les plaisirs du monde en vous, ce sera difficile que vous vous sépariez. On ne peut pas dire gloire au Seigneur si vous perdez votre téléphone de 100 000 francs. Non, non, non. Vous allez seulement faire, chaque fois qu'on va dire mon frère, ça va, tu vas faire. Tu toute la soirée, n'est-ce pas, prendre la Bible, mettre la balise, les insomnies vont venir. Après la malédiction va commencer, que le bandit ne sait même pas le téléphone de qui il a pris. Il va me sentir, Seigneur. Que Seigneur, ma Bible qui est dedans, comme tu l'avais. En fait, c'est pas ça qu'il a dit. Que le bandit prend, est-ce qu'il regarde ça? Il pense qu'il va à quelqu'un, il s'en va. Donc, il a de regretter son téléphone. Il faut que votre cœur soit hors du matériel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça n'est pas d'emprise sur vous. On avance, frère. Donc, Dieu s'attend à ce que la vie chrétienne produise. Et ça doit produire en fonction de la parole que vous avez reçue à la semence. Lorsque ça a été semé en vous, il y a de quoi Saint-Esprit toujours nous nettoyer. Écoutez très attentivement. La parole enseigne que, regardez, c'est Jacques 6. Je ne sais pas où il nous amène là. La parole nous enseigne que lorsque vous avez cru à la parole qui a été semée en vous, c'est ça qui est censé reproduire ces choses que nous sommes en train de dire. Luc chapitre 8. Je ne vais pas vous me regarder comme ça là. Luc chapitre 8, donc ça fait 1h52 minutes que ça nous a parlé là. Disons. Le livre de Luc chapitre 8. À la troisième partie, on va encore développer là. On y va. Luc le chapitre 8. Verset 1 et suivant. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cosa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Vous avez vu la première chose, n'est-ce pas, dans le ministère du Seigneur Jésus, qui l'assistaient de leur bien. Verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus des diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Vous y êtes? Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur l'Europe. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crues avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Regardez le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans Luc 8, on va y revenir avec son explication. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Ouais, vous remarquez très bien que celle qui tombe sur la bonne terre reproduit des fruits. Pas vrai, frère? Tourne-toi, regarde encore quelqu'un. Quel est ton fruit? Regardez, on dit, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. On vous dit en regardant, ils ne voient pas profond. Et qu'en entendant, ils ne comprennent. Donc vous entendez un bruit, le son des mots qu'on a formés, sujet, verbe, complément. Mais ce sujet veut complément, construction d'une phrase avec un point, vous ne comprenez pas ce que cette phrase veut dire. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous y êtes? Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc on est sauvé après qu'on ait prêché une parole et qu'on ait cru. N'est-ce pas? Amen. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Oh, hallelujah! Amen! Yeah, yeah, yeah! Pacha, chacha! Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Gardons ici à l'esprit. Alors, vous voyez pourquoi chaque fois il dit, vérifiez que vous croyez. Vous dites, j'étais avec quelqu'un, qu'est-ce que cette personne s'est devenue? Il a quitté les chrétiens à bouddhisme. Non, il n'a jamais été chrétien. Parce que chrétien de la bonne façon se trouve dans le verset 8, le chapitre 8 de Luc. Chrétien de la bonne façon, ça se trouve dans le 8-8. Si vous regardez n'importe qui a marché dans le christianisme et s'est déjoué d'une façon ou d'une autre, ça se trouve pas. Les vrais, les véritables, les authentiques, se trouvent dans le verset 8. Tous les disciples, tous ceux qui croient au Seigneur se trouvent là-dedans. Vous y êtes? Maintenant, vous voyez effectivement que ceux-ci croient pour un temps. Vous voyez pourquoi c'est important de vérifier que vous croyez de la bonne façon? Donc, c'est-à-dire quoi? Situez-vous dans ce passage que nous sommes lire, dans là où vous vous trouvez. Si vous trouvez maintenant dans ce que nous venons de lire là, au verset 13 là, que il croit pour un temps, il se pourrait que demain vous rejetez Jésus. Si vous attendez Jésus-Christ pour un mariage, il se pourrait que les cheveux blancs viennent vous marier pas, vous quittez maintenant. Vous allez chez les musulmans parce que vous êtes la troisième épouse d'un certain musulman. Après, vous commencez à dénigrer le christianisme parce que là-bas, on prie trois dieux. Mais parce que le mariage n'est pas venu là-bas. Tu es une première épouse, tu te prends le nom d'Aïcha. Tu ne serais pas sauvé pour autant. Parce que le but de l'appel de Dieu dans son plan, ce n'est pas pour te donner le mariage. C'est pour sauver l'âme de tout quiconque croit en lui. Vous entendez cela? Alors ici, il dit, verset 14, ce qui est tombé parmi les épines. Non mais, permettez-moi de lire verset 13 encore là. Ceux qui sont sur l'Europe, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Beaucoup de chrétiens se trouvent à ce niveau-ci. Ils sont toujours au recommencement de leur vie spirituelle, de leur relation avec le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, tu sais que je souffre beaucoup. Aie pitié de moi, Seigneur, tu as pu faire cela. Chaque année, l'année des passages, comment vous appelez ça? Nous venons de traverser, il vient avec le bâton qui ont cassé. Ça, c'est le bâton de la fornication. Il met ici. C'est le bâton du mensonge. Il met ici. Ça, c'est le bâton de. Vous appelez quoi encore? Du vol. Mais ici, bâton des grandes décisions, mais ici. Après, il regarde, vous savez, on met sur les grandes horloges là-bas. Il dit, 23h58, c'est un bâton. Minute, en 20 ans, il jette ça derrière son dos. Le lendemain, quand tu entends, à l'instant, il a quitté là, il sort là-bas, la première personne qui l'a dit, il t'insulte comme ça, il dit, Seigneur, pardonne-moi même pour la nouvelle année ici. Le péché, le problème du péché ne se résout pas comme ça. Tant que vous n'allez pas permettre que le Seigneur nous calme, quand il veut parler de calmer, c'est que les train quotidiens qui nous distraient, les distractions par les moyens les plus faciles pour Satan maintenant de nous distraire, c'est de nous éloigner de Dieu, c'est la distraction. Sans que vous ne sachiez que c'est lui qui est dedans. Mais le vrai problème, c'est que des chrétiens eux-mêmes vont te dire qu'il n'y a pas de mal. D'autres vont même dire que non, tu as reçu Christ, c'est bon. Maintenant, tu peux faire un peu comme il suffit de rester tranquille pour ça, le Seigneur. Vous allez blaguer avec le Dieu très haut. Quand les satanistes prennent du temps pour former les coups, pour que les coups marchent, parce qu'ils forment le temps pour regarder les traits et les attraits des chrétiens, des authentiques chrétiens, pour que quand ils vont frapper, que le sang coule. Ils prennent du temps, ils préparent pendant des années et des années pour frapper. Le chrétien dit que Christ a tout payé. Il a tout payé. Va prendre la machine chez quelqu'un, tu ne payes pas, tu vois, comme il a tout payé là. Donc faisons attention, prenons les choses de Dieu au sérieux. Enfin, c'est même pas les choses de Dieu, c'est notre propre vie qui en dépend. Il dit que ceux-ci reçoivent, ceux qui sont sur l'Europe, ils reçoivent la parole, la reçoivent avec joie, ils croient pour un temps, mais ça n'entre pas profondément en eux. Lorsqu'ils souviennent une tentation, ils trouvent une occasion de chute. Vous y êtes? Verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole s'en vont, et la laisse étouffer par les soucis, les richesses, et les plaisirs de la vie dont nous avons chanté tout à l'heure, les plaisirs du monde. Et ne porte point de fruits qui viennent en maturité. Vous avez vu le fruit, n'est-ce pas? Donc Dieu cherche à l'issue de notre croyance des... Je recommence encore. Donc Dieu cherche à l'issue de notre croyance des quoi, frère? Pose la question à quelqu'un que quels sont tes fruits? Maintenant, laisse quelqu'un seul, puisque c'est individuel. Pointe le doigt vers toi maintenant, vraiment, vrai là. Quels sont mes fruits? Pose-lui cette question. Vous êtes chaque fois là-bas, vous faites exactement comme, vous savez, que ce président américain avait dit que chaque fois les gens disent que l'Amérique n'a rien fait de moi. Toi-même, tu as fait quoi pour l'Amérique? Que le Seigneur donne-moi le mariage. Seigneur, ça fait longtemps que j'ai été pris. Si tu vends le mètre cube à 5 francs, tu peux acheter tout le mètre cube derrière que tu respires. Si tu vends ton soleil, chaque fois tu as ton habit, c'est même son coton que tu utilises, vrai? Tu manges sa nourriture, vrai? Bois son eau, n'est-ce pas? Dors sur son espace, marche sur sa terre, c'est ça? Okay. Vous pouvez payer, frère? Non. Et quand tu discutes dans le cœur, quand tu dis, tu veux te montrer que c'est ma terre, tu tapes ta poitrine, tu as le titre foncier. Si Dieu réclame le titre foncier à quelqu'un, il va le donner. Maintenant, quand tu fais toutes ces choses-là, parce que tu n'étais pas marié comme il veut, comme tu veux, parce que tu n'as pas voyagé comme tu veux, tu dis que je ne te sais plus. Et puis, ça fait quoi? Ça lui fait quoi? Hein? Vous avez vu Dieu en voyageant qu'il n'a pas besoin de visa? Tu vois, si tu entres dans le même avion, tu as le visa, ça fait grrr, là-bas. Tu dis Jésus, Jésus, Marie, tu mets Marie dedans parce que Marie va venir intercéder. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu, à l'issue de notre croyance, attend que si vous avez cru de la bonne façon, vous portez des fruits. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure là que c'est la forme de la parole qui est entrée dès le départ qui est votre problème. Le style que vous avez reçu. Si on vous a conduit dans la voie droite dès le départ, vous produirez les fruits normaux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, on ne sort pas tout simplement comme le Seigneur dit là pour s'aimer le long des chemins. Ça veut dire que le royaume est prêché partout. C'est pour cela qu'après la prédication vient l'enseignement. C'est pour cela qu'après la prédication doit venir l'enseignement. Parce que l'enseignement te permet de te perfectionner. Laisser les éléments élémentaires entrer dans la dimension. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils doivent grandir là-dedans. Suivez ça, frère. C'est les enseignements qui font grandir les gens. Vous dites, vous croyez, vous restez seul, vous blaguez. Que le Saint-Esprit va m'apprendre ça dans mon côté. Tu vas créer ton propre royaume. Mais suivez, frère. Alors, les enseignements. Il y a des choses où vous faites un jour, le temps de prêcher un jour comme ça. Il y a une femme, vous savez, et les gens, comme je vous dis, c'est le style des paroles que vous avez reçues. Cette femme était à la salle, le temps de parler de ce style des choses. Elle n'avait jamais donné un biscuit à un enfant. Brûle, dans une bombe, à défragmentation, à hydrogène, si vous voulez. Mais j'ai prêché comme ça, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ah, c'est quoi, pourquoi c'est... J'ai dit, donc, peut-être j'ai dit quelque chose de mal à cette femme-ci. Or, elle était chaque fois, quand le prophète, tel prophète vient, elle est là-bas, elle donne l'enveloppe. Parce qu'elle peut chercher l'approbation des hommes. Elle peut prendre 100 000 francs, aller donner à un faux pasteur pour qu'on prie, mais lui, on dit que, vous savez, et puis on dit les choses comme ça. Les femmes sont prêtes à tout cela. Mais faut-il les faire comprendre que ton voisin qui est malade, si tu lui donnes cette somme-là que tu vas donner à un pasteur pour recevoir des fausses prophéties, si tu donnes ça à quelqu'un qui est malade, une maman qui est dans le besoin, tu viens de rencontrer Dieu là, faut-il le dire encore, frère, mais elle souhaiterait qu'elle donne quelque part pour qu'on dise ces choses qu'elle veut entendre. Donc elle achète les prophéties. Achète l'huile. Quand le pasteur dit que lui-ci, c'est quand il était dans la tombe de Jésus que j'ai reçu la révélation, que toute huile que tu vas sanctifier, la résurrection va les toucher. Tu dis, hein, la tombe de Jésus. Donc, il va chercher ta part que dans la tombe des morts. On dit Jésus qui n'est plus dans la tombe, frère. Suivez, frère. Donc, après la croyance, il nous faut produire des fruits. Là, maintenant, quand la femme a commencé à pleurer, prochaine séance, elle est venue, frère. Je vous le dis, au nom de Jésus, mon épouse est là. Elle avait des rides comme ça, comme une vieille femme, dans le premier enseignement. Deuxième enseignement, ces rides avaient quitté. Elle avait rajeuni. Je voyais la même femme qui avait pleuré la dernière fois. Je dis, dans mon esprit, c'est quoi? Elle dit, il veut témoigner. Il dit, je suis libre. Il dit, c'est quoi? Il dit que je n'ai jamais donné quelque chose à quelqu'un. Elle était libre. Elle était venue avec des biscuits distribués aux enfants. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Il y a une autre femme là qui avait dit que lorsqu'elle accueillait les gens, vous savez, elle est riche avec son mari. Lorsqu'elle accueillait les gens, quand tu fais un tongon, elle ouvre dehors. Tu veux qui? Vous savez, il y a des choses qu'on appelle l'œil des vaches. Vous appelez l'œil du bœuf, c'est l'œil de quoi? Quoi que maman verra en a sa part ici. Quand tu topes d'abord, elle te regarde, elle guette d'abord, elle vient doucement comme ça. Elle guette. Si ta tête le nerf, elle fait comme ça, elle rentre, elle dit, tu vas sonner là-bas fatigué. L'œil du bœuf, c'est les messieurs de sécurité. Maintenant, quand quelqu'un vient, elle dit, c'est cette femme qui dit cela. Elle dit, elle fait comme ça. Et puis subitement, lorsque nous travaillons à l'opium, le Saint-Esprit dit, donne des personnages aux femmes. Je descends les escaliers, on était chez mon épouse là-bas. Je viens dire que ton personnage c'est ceci. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des personnages ici. La part c'était quoi? Je me souviens de toi, c'est Dina. Je ne m'oublierai jamais cela. Dina. Et Dina t'a traité, non? Et celle-là, elle a reçu la veuve de Sarepta. Ce sont les choses que le Saint-Esprit fait, je ne peux jamais oublier. Or maintenant, lorsque je suis devant elle, et puis... Il n'y a pas une liste qui est écrite que telle chose à telle personne. Je n'ai pas gardé la liste. Je me tiens devant la personne. Je reste debout jusqu'à ce que le Saint-Esprit parle. Le personnage à lui donner. Je me tiens là. Vous voyez, c'est Atali ici. C'est ça, c'est Atali, non? C'est Atali. Quand on dit Atali comme ça. Maintenant, je me tiens devant elle. Je reste tranquille. Il dit veuve de Sarepta. Vous savez, quand il dit veuve de Sarepta, après quand il quitte la scène, pendant que ça le dit à une autre personne, moi-même je m'aime toujours à l'intérêt que Saint-Esprit, veuve de Sarepta, c'est à un mari. Est-ce que tu veux dire par là qu'elle va mourir? Est-ce qu'il y aura chez elle? Moi-même je pose des questions, mais il a dit veuve de. Vous savez, quand le Saint-Esprit lui parle, mais lui sait pourquoi il est en train de lui parler. Elle a un mari, des enfants, il n'y a pas quoi que ce soit comme disait. Mais ce n'est pas cet aspect-là que le Saint-Esprit voulait qu'elle voie dans la veuve de Sarepta. Elle allait lui voir de Sarepta. Moi, j'attendais vraiment pour dire qu'elle allait se tenir debout. Elle a dit que je viens que ce soit la dernière fois que je me donne déjà les choses. Comme ça, tu veux tuer mon mari. Elle se tient, elle a dit qu'elle rend grâce à Dieu. Je dis, dans mon cœur. Elle rend grâce à Dieu. Pourquoi encore? Moi, je vais à. Elle dit qu'en réalité, si elle avait été à la place de veuve de Sarepta, elle a compris que Dieu veut que la veuve de Sarepta avait une petite chose, mais ça n'a pas empêché qu'elle donne à l'homme de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a rencontré exactement que regarde cette veuve-ci. C'est qu'elle a, même petit, elle donne. Mais toi, tu nous ouvres la porte aux gens. Elle a compris, elle dit, ça l'a délivré. Alors, le Saint-Esprit fait cela. Vous voyez? Donc, cette femme-là est entrée, elle a distribué le biscuit aux enfants. Vous allez être content. Quand elle marche, c'est ce qu'elle fait comme ça. Que frère Junior, je suis content. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour cela. Donc, que votre vie spirituelle ne soit pas sans produit de fruits. Il ne s'agit pas de dire, oh, je suis dans un groupe. Je connais maintenant la vérité. Parce que connaître la vérité sans mettre en pratique, ça ne te sert à rien. Plutôt, ça t'enrichit plutôt. Vous dites, touchons la parabole dans des. Continuons là. Verset 14 encore. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la face étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Vous avez vu les trois principales choses qui étouffent et empêchent la parole de fructifier dans vos vies. Chacun d'entre vous va se retrouver dans ces cas si vous ne produisez pas le fruit. Si vous êtes maintenant, alors que vous m'écoutez maintenant, là, maintenant, et que vous ne produisez pas le fruit tel que le Saint-Esprit le dit, l'une de ces choses-ci est en train de vous perturber. Vous dites, frère, il dit, la parole, vous dites, ils s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Il ne porte pas du fruit qui vient à maturité. Si j'ai la personne qui dit, j'ai toujours donné, les gens m'ont déçu. Moi, j'attends maintenant qu'ils donnent pour eux. On n'a pas dit que donne, tu reçois. Hein. On a dit que donne. Et ne te lasse pas de donner. Car vous moissonnerez autant. Ce n'est pas toi qui fixes le temps. Vous y êtes frère. Remarquez très attentivement quand le prophète Élie se tenait là-bas, il a dit que femme, quand tu es à la maison, fais-moi des gâteaux, il dit que je n'ai que ceci. Après quoi, il part chercher deux bois, il va prendre le pain, mélanger avec de l'huile, après ce sera terminé pour la résurrection. Lorsqu'elle dit cela, elle dit que va, prends cela. Vous savez, elle parle de Jésus là maintenant, n'est-ce pas? Vous savez qu'elle parle de Jésus, que ça sera oh maintenant, on va prendre deux bois pour le clouer là, n'est-ce pas? C'est ce que cette femme parle. Et là maintenant, lorsque ça va finir, si cette femme-là dit non, cet homme-ci n'est pas normal. Et qu'elle mange de cette reste-là. Le lendemain, elle va manger quelque chose. Non. Qui lui a dit de faire cela? Mais Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Remarquez bien comment ce Dieu l'a agi. Au lieu d'envoyer le roi, le prophète qui part vivre avec le roi pour bien manger, il dit, c'est un veuve. C'est une veuve. Non seulement la veuve, elle est pauvre. Il dit que à Sarepta, descend pas là-bas. Et le fils de l'homme vient, il dit que souvenez-vous que pendant la sécheresse, il y a plusieurs veuves en Israël, mais ce n'est que vers la veuve de Sarepta que le prophète Élisée a été envoyé. Donc Dieu a vu en Israël qu'il y avait les veuves, il a élu l'autre là, qui n'est pas d'Israël. N'est-ce pas, frère? Dieu a les regards sur tout ce qui se passe sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre. Avançons ici. Verset 15. Ce qui est tombé sous le. Je vous avais demandé d'entourer, souligner le verset 8, n'est-ce pas, de retenir le verset 8. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur quoi? Honnête et bon. Entouré, honnête et bon. Donc maintenant, nous allons jouer le championnat pour se retrouver dans le verset 15, du chapitre 8 de Luc, sur le championnat maintenant. C'est-à-dire, comment? Et avec quelle disposition as-tu écouté la parole? Il dit que c'est ceux qui ont entendu avec un cœur honnête et bon. Vous voyez le jeûne dont on est prescrit là maintenant. Avec un cœur honnête et bon. Seigneur, sans mon cœur, c'est tout n'importe quoi de là, qui est faux. Parler de Dieu. Maintenant, il dit un cœur honnête et bon. La retienne. Vous y êtes? Et porte du fruit avec. C'est-à-dire que quand tu commences à faire les œuvres, tu ne fais pas une fois, tu te lasses. Vous y êtes? Voyez donc tous les chrétiens. Ce que vous allez écouter, c'est la préparation d'un long enseignement. C'est ce que vous allez écouter là-dedans. Dans les deux premières parties, la première partie de quel fruit portes-tu, et cette deuxième partie-ci, c'est la préparation d'un long enseignement que nous devons voir. Parce que nous sommes en train de voir quelque chose d'une importance capitale, la construction de l'œuvre de notre foi. Donc c'est important. On a vu effectivement que si nous n'avons pas ces choses-ci, notre foi est inerte, n'est-ce pas frère? D'où la nécessité de voir ces choses-là. Pas vrai? Que Dieu vous bénisse, d'accord? Dans la troisième partie, je vais développer et finir. Qui peut exactement porter les fruits et comment porter les fruits dans la pratique? D'accord? Que le Seigneur, notre Père, vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Permettez-moi de vous saluer. Est-ce que vous saluez? Vous êtes nombreux là, vous êtes nombreux. Bon. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse tous.